Moteur, moteur. C'est beau, une ville qui dort. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Parce qu'on vit la nuit. On peut faire des films avec n'importe quoi, hein. Nous avons transformé mon scénario en film pornographique. Moteur! Allons-y! Moteur! Oh putain, moteur! Bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, bienvenue dans Intérieur Nuit, X le crible, je vais le dire maintenant parce qu'on y a la fondatrice à côté de moi et du coup je suis un peu surveillé. Le podcast qui parle de genre de film et qui en écrit surtout en faisant des petites blagues. Alors aujourd'hui on est 5 comme la dernière fois et j'ai demandé à la personne à ma gauche de se présenter. Voilà, présente-toi s'il te plaît. Bonsoir, enchantée, du coup moi c'est Lauriane, j'ai écrit le crible il y a 2 ans maintenant. Vieillant, très vieillant. C'est ce que je dirais. Ouais, et du coup, on écrit de la critique et on a décidé de fusionner du coup Intérieur Nuit et le crible. Et ouais, parce qu'on avait besoin de financement, exactement. Et on en a pas plus, mais en tout cas. Mais ce qu'on a, c'est des bons copains et de. Voilà, des bonnes blagues. Vas-y, je t'en prie, je vais pas spoiler. Bonjour et bonsoir. Alors, moi, c'est Alex. J'ai créé le crible avec Lauriane il y a 2 ans. Apparemment, t'as un hélicoptère qui t'accompagne à chaque fois que tu parles. Non, c'est toujours des interférences avec moi. Et du coup, on aime bien écrire des critiques, parler de cinéma, et puis on verra ce que ça donne pour le podcast. Eh ben, écoute, merci. La personne de ta droite, si veut bien te présenter. Enfin, ça, c'est à gauche, mais bref, on passe après. Bah, moi, c'est Noémie. Et je fais un peu partie de la nouvelle fournée des rédacteurs pour le crible. La next gen, tu veux dire? Exactement. Les petites pépites. Et nouveaux talents. Exactement. La nouvelle génération, les TikTokers. Bah merci Noémie, tu t'es présenté très succinctement. C'est pas grand chose. Bonjour Noémie, nouvelle fournée. Ton nom, ton âge finalement. Exactement. Et vas-y, je t'en prie, finis. Bonjour. C'est Nicolas du coup. Donc comme c'est Noémie, j'ai rejoint le crible il y a quelques mois, semaines, je ne sais pas. Et du coup, je suis un peu intimidé parce que j'ai Lauriane en face de moi et du coup, comme c'est elle qui a fondé le crible. Oui, vous ne le voyez pas voilà. Évidemment, mais elle a des yeux revolver, bien sûr. Et moi, c'est Antonin comme d'habitude, mais bon, c'est la 3e épisode, vous commencez à avoir l'habitude. Alors aujourd'hui, on va parler et on va écrire des films. Ou série, on va pas se limiter à un format de teen series, des trucs d'adolescents, type Netflix, ce genre de truc. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. C'était très bien, merci. Teen series, teen movies, etc. On avait déjà fait un épisode dans l'ancienne version d'Intérieur Nuit et c'était l'épisode phare, on va dire, parce qu'on avait fait plein de vannes. Donc attention, vous avez la pression, parce que c'était l'épisode le plus écouté à la tard l'époque. Bah, je ne l'ai pas écouté, voilà. C'est normal, moi non plus. Plus personne nous écoute. Plus personne. On était dans les tendances, on s'est effondré, voilà, on va pas se mentir. Et voilà. Il est là ton Uber, c'est ça? Ton Uber, il était là? En fait, c'est qu'il est présentement 15h35, je n'ai toujours pas mangé, j'ai commandé un tacos à Nanterre et nous sommes à Carrière. Et il est arrivé après moult péripéties. Mais je t'en prie, Lerma. Merci, on fait une petite pause. Tout de suite. Pause. Alors du coup, c'est bien joli de dire les teen series, les teen movies, tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? À quoi vous pensez quand on vous dit film ou série d'adolescents? Je vais commencer par toi, Alex, t'es en face de moi. Et tu dis des dingueries depuis tout à l'heure en off, donc, donc je t'en prie, vas-y. Bah on va dire déjà que ça rassemble surtout tout ce qui est sur Netflix, hein, on sait très bien, on le voit très bien. Des séries adaptées pour tout le monde, surtout les plus jeunes. Donc, pas tout le monde. pas tout le monde. Les plus jeunes surtout. Tout le monde sauf une grande partie de la population. Ouais. Voilà, sauf moi, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas assez hard. Mais du coup, c'est bien parti ce podcast. Mais du coup, que dire des teen series, teen movies? Scénario basique, un peu bâclé, ça part des fois un peu en cacahuète. Riverdale. Beaujolais, on va écrire une histoire bâclée du coup et rapide. Non, ouais. C'est surtout. On va parler beaucoup de jeux Riverdale, je pense. On va ramener des sorcières et des démons dedans, ça va être sympa. Et ouais, des trucs un petit peu basiques, un petit peu concon, si je peux dire. Toi, ce que tu retiens, c'est que le scénario. Ça dépend. Ce que tu retiens, c'est que le scénario est généralement éclaté. Pas très travaillé. Voilà. Okay. Ouais, mais c'est peut-être aussi ce qui fait justement que la série a du succès, parce que comme c'est simple, on sait à quoi s'attendre, et du coup les gens genre... Ah bah c'est clair qu'ils n'ont pas réfléchi. En fait, hein. C'est que tu vas avoir des grosses cases genre à cocher, mais en mettant des petites variations pour que justement t'aies un minimum d'originalité. Et à justement, quelles sont ces variations, Lauriane? La transition est parfaite. Ah, c'est parce fantastique. Que c'est vrai que les scénarios sont pas souvent travaillés, en tout cas. Le meilleur ami gay. En fait, non mais déjà, oui, évidemment, la meilleure amie noire, le meilleur ami gay, enfin, il y a toujours... Enfin, de toute façon, les persos secondaires des teen séries ou même des teen movies, en règle générale, c'est quand même souvent la même chose. Mais après, ça dépend aussi de ce qu'on entend. C'est qu'il y a eu plusieurs générations de teen series. C'est que si on pense aux teen series qui sont sorties, par exemple, je sais pas... Ouais, non, mais... Bah, pour avoir été consommatrice de Disney Channel, c'est vrai que ça tourne toujours, de toute façon, c'est toujours des plots autour genre de l'amour, enfin des relations amoureuses, etc. C'était que des personnages blancs, sinon Disney. Hétérosexuels. De moins en moins, ouais, mais c'est vrai que sur les plots. À l'époque, ça n'existait pas encore la diversité. C'était, oui, oui. Non. À l'époque, tout le monde était blanc. Non, mais bien sûr, c'est comme ça. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est Disney. Non, mais c'est vrai que les séries Disney, pour le coup, c'est toujours des plots amoureux hétérosexuels. Par contre, c'est pas que des personnages blancs, mais en fait, quand une série a pas son perso principal n'est pas un personnage blanc, généralement tout le reste du cast. c'est un peu ça. Mais après, on peut voir par exemple la différence où on avait le total inverse avec Agent Casey. Je sais pas si vous regardiez. C'était Zendaya, le perso principal, et sa meilleure amie était sa meilleure amie blanche, et qui était vraiment genre la Barbie un peu. Et en fait, le personnage cool, c'était pas elle justement, c'était Zendaya qui était un peu plus bas les couilles, qui était un peu plus streetwear, hip hop, tu vois. Bref, les tropes, tu vois, que tu vas avoir. Mais du coup, c'était quand même elle le perso principal, et c'était une agence secrète, sa famille d'une certaine façon. Mais par contre, il y avait des petits plots amoureux, mais c'était pas le cœur du truc. Mais t'en avais. Après. Toutes les vieilles séries, enfin on parle des séries surtout parce que c'est ce qu'il y a le plus, je pense, en termes pour les ados, mais même les films, c'est très récent. Disney Channel, ils ont fait quand même énormément de films pour ados, hein, et du coup des productions qui ne les trouvaient pas aussi. Les Monnaies de Mouth. Après, c'est toujours les mêmes acteurs aussi, enfin genre. C'était les acteurs et les actrices Disney Channel, ça c'est certain. Et Disney, ils sont pas connus pour la diversité de toute façon. C'est vrai, mais après. Non, mais pas. Oui, c'est vrai. Bien sûr, mais non, mais je parle plus la différence entre le nombre de productions séries et le nombre de productions films pour les ados. Parlais pas du tout au niveau de la question de la diversité. Je parlais vraiment au niveau de quantité de production. Mais, ça enchaîne. Hein. Mais ouais, parce que pour le coup, je pense que j'ai vraiment vu toutes les productions, tous les films Disney Channel. Teen Beach Movie. J'adore. Eh bah, Teen Beach Movie. Teen Beach Movie. Bah, c'est trop bien, Teen Beach Movie. Mais encore une fois, ouais, c'était un acteur, Ross Lynch, qui jouait du coup dans Austin et Ali. Bien sûr. Et par contre, Maya Mitchell, je ne sais pas dans quelle série elle jouait, mais il me semble dans Austin et Ali. Non, elle jouait pas dans Austin et Ali. Non, c'est pas. Ça, c'est, mais je crois qu'elle jouait dans des films. Ouais, bah oui, non, mais et d'ailleurs, elle a joué dans un film Netflix pour ados avec KJ Apa de Riverdale. Il y a des références. Ah, généralement, les acteurs se recoupent quand même. Non, mais en tout cas, c'est vrai que t'as du mal parfois à sortir justement de ce côté-là. Genre, quand on regarde, par exemple, l'actrice qui a joué dans Liv et Maddie et dans Descendants, du coup, elle a vraiment du mal, on va dire, à faire décoller sa carrière autrement. C'est Dove Cameron, voilà. Elle doit faire décoller une carrière, on va dire, qui va être un peu plus réputée, à l'inverse par exemple d'une Zendaya, mais après c'est assez exceptionnel Zendaya, quoique quand on voit franchement Miley Cyrus. Non, même Bella Thorne qui a tourné dans la même série, chanteuse. Ouais, mais enfin, ça, elle a du mal, on va dire, à casser quand même son. Parce qu'elle est restée très très longtemps chez Disney, mais jusqu'à la fin de Disney Channel, à peu près, il me semble, et elle a vraiment du mal, quoi. Faut faire une Miley. Je sais pas, non, parce que je pense que c'est très propre au tempérament de Miley, et c'est absolument pas le tempérament et la persona qu'ils ont créé autour de Dove Cameron. Mais en tout cas, après elle était chaud. Liv et Maddie, c'était son show à elle. Elle jouait deux personnages, ensuite elle a fait Descendant, elle a fait Les Trois. Mm-hmm. C'était quand même des films qui ont vachement fonctionné. Bon, pour les personnes qui en ont quelque chose à foutre, évidemment. Mm-hmm. Mais non, après. Je suis à fond. Moi, c'est mon MCU. Non, mais après, franchement, je vais pas cracher Descendants, c'était très très cool. Hein. J'ai regardé le premier. N'exagérez pas non plus. Bah, Descendants, pour ceux peut-être qui connaissent pas. J'ai bien aimé la musique. Les musiques sont très cool. En fait, c'est un film où c'est les enfants des méchants Disney qui se retrouvent dans le lycée des enfants des gentils de Disney. Du coup, il y a un peu un côté. Né pour être mauvais, en fait, peut-être pas tant que ça, finalement. Et du coup, il y a un peu une allégorie du racisme. racisme et tout avec que des personnages blancs. Et enfin non, mais non, je crois qu'il y a genre il y a deux personnages, il y a deux personnages qui sont pas blancs. Mais genre c'est ceux qui sont sous la mer, genre la Ariel perso, et la perso, c'est dans le 2. La perso principale c'est pas China, c'est Dove Cameron. China and McLean. Ça c'est non, ça c'est la méchante du 2 et c'est, mais, ah, mais oui, le perso c'est... principal reste Dove Cameron qui est blonde aux yeux bleus blanche enfin après voilà c'est Dove Cameron hein, je vois pas no, que c'est no offense, mais c'est, bah, c'est une enfin bref c'est pas grave mais voilà. Mais là je vois qu'on parle de Disney Channel pardon. Ah oui, non mais après Teen Movies avant. Teen Movies, on a mais bien sûr parce qu'il y en avait bien avant. Je vois le père de Keji Apa dans Riverdale a joué dans Beverly Hills. C'est vrai. Putain, c'est oui, vrai qu'il a joué d'ailleurs paix à son âme hein, Bebou. 90 mais, ouais. Comment ça s'appelait 90-210. On avait ça, il y avait bah, du coup tu peux nous Noémie tu connais un peu plus justement ces séries là, enfin tu nous as dit de regarder les frères Scott par exemple aussi. J'ai l'impression d'être la doyenne un peu dans la conversation parce que même vos références Disney Channel, c'est pas du tout les miennes. Moi je suis Anna Montana. Mais bah, moi aussi, enfin, oui, c'est génial, c'est Anna Montana. Hein, ça va, on est pas des encore plus. Les sorciers de Waverly Place, c'est Sony, oui, c'est tout ça quoi. Et du coup. Non mais du coup tu connaissais podcast. Non, mais, podcast. En off, tu disais que tu connaissais par exemple les frères Scott, et enfin, c'est vrai que c'est des séries pour ados. Ouais. Adolescent pour employer oh là là. Okay. Pour passer pour une télérama pour tout le monde. Non mais voilà, c'est ça, c'est non, mais c'est vrai que c'est un truc que je voulais dire pour revenir sur la remarque que tu avais faite sur le fait que les scénarios étaient un peu cucu, enfin ou un peu simple et tout. Moi, je trouve que c'est pas vraiment vrai, ça dépend des séries dont on parle et le public en fait pour lesquels elles sont destinées, parce qu'effectivement les Disney Channel c'est plutôt pour un public jeune qui a 12-13 ans et donc du coup ça veut montrer un peu une image des ados un peu parfaits etc, mais tu prends des séries pour moi en fait à partir de Skins et tout ce qui est venu après Gossip plus, Girl mais c'est plus pour les ados ouais. Mais après là, tu descends mais les vieux ados non mais tu oui vois. C'est ça pour les lycées les jeunes fait, adultes plus, fin de collège de lycée quoi. Ouais c'est des séries qui se veulent beaucoup plus edgy finalement sans l'être vraiment mais qui se veulent l'être et qui ouais qui va le montrer un peu comme des après, Skins a créé une génération entière des fistonnés mais ça, ça fait peur quoi après il y a la question aussi de la production enfin genre du coup parce que c'est pas du tout les mêmes producteurs quoi il y en a qui sont beaucoup plus à fond justement dans ce réalisme essayer de montrer une diversité etc et alors que Disney ils en avaient rien à faire quoi ils en avaient rien à faire et puis surtout tu sais comme ils étaient sur une tranche d'âge où tu te permets moins justement de faire ça parce que tu te dis pas que après enfin ça enlève rien bon après c'est des qualités enfin la qualité des séries elle est discutable mais parce que c'est enfin c'était des trucs faits à la chaîne et tout donc voilà là on parle pas enfin voilà mais ce que je veux dire c'est que l'argument diversité est pas non plus le seul argument dont on devrait parler je pense pardon mais par contre je pense que la tranche d'âge aussi joue beaucoup sur sur la qualité des sur la qualité et la diversité des sujets traités alors que par exemple c'est vrai que Skins après c'est quand Skins, même Buffy, c'était quand même souvent genre de truc. Buffy contre vampires, Misfits Buffy contre les vampires mais après ouais non mais tout ça c'est des trucs Misfits, des années 90 tu vois c'était pas si enfin c'était lycée après le lycée hein moi je l'avais regardé au collège Misfits ouais mais enfin c'est pas sorti quand t'étais au collège Misfits non si hein ok excuse-moi je me souviens pas des dates mais pour moi c'est sorti il y a genre il y a quand même plus longtemps que ça devait être vers 2010 un truc ah comme ouais ça. Je pensais que c'était un peu plus en 2010 j'étais en maternelle encore excusez-moi je suis un peu plus âgée mais dis tout on était en CM2 moi j'étais presque au lycée donc je putain mais ouais c'est vrai j'étais un bébé en 2010 bon bah ça va hein. Avant 2010 je venais d'avoir mon premier enfant je vais toucher ma première retraite allez mais non mais du coup, je trouve qu'il n'y a pas du tout les mêmes ambitions du coup par rapport au public et puis, je trouve que parce qu'il faut aussi bien différencier teen série et sitcom tu vois genre ça a rien à voir c'est pour ça quand tu parlais de Buffy contre les vampires si tu compares un Buffy contre les vampires en qualité et genre ouais Anna Montana j'adore Anna Montana mais c'est vrai que franchement en termes de qualité Buffy contre les vampires ça bastonne quoi ça vieillit mieux quoi en tout cas. Oh, je suis pas ça sûr très mal dit. Alors, c'est faux parce que je viens de me faire un marathon Buffy contre les vampires. Parce que, voilà. Et je te jure que franchement, bon, à part des tentatives et effets spéciaux qui puent un peu la merde, ils essayent quand même toujours de faire en sorte que leur perso et les méchants qui sont grimés, c'est grimé. C'est pas genre de. Enfin, c'est pas. Oui, fait, c'est du maquillage. C'est du maquillage. Ouais. C'est vraiment. Du coup, je trouve que c'est. Il y a un artisanat assez. Mais je suis désolée, mais l'artisanat fonctionne vachement mieux que justement des tentatives de SF quand c'est pas encore ça vieillit tout le temps mieux de toute façon que les effets spéciaux. Et c'est pour ça que tu vois ça avec Sabrina. Charmed, oui, Charmed. Charmed. en français. Charmed, mais je dirais Charmed. Pas un reboot, ça, d'ailleurs. Quelqu'un l'a regardé? Non. Mais Charmed n'était pas une teen série à la base, hein, parce que justement, enfin, c'est vrai que tu peux voir, genre dans les teen séries, généralement, les persos qui sont mis en scène sont des adolescents. Ouais. Alors que Charmed, c'est vrai que, enfin, elles étaient dans la vie active, c'était des 20, enfin, elles avaient une vingtaine, trentaine parfois d'années. Enfin, elles ont eu des gosses, etc. Genre, c'était pas forcément. Enfin, moi, j'ai regardé ça quand j'étais gamine, genre en primaire. Mmh. Mais c'est vrai que le public de base de Charmed, c'était absolument pas des. Enfin, c'était pas absolument pas, mais c'était pas des adolescents à la base. Mmh. Et du coup, je pense pas qu'on puisse mettre Charmed dans la catégorie de teen série. Moi, ouais, je pense qu'on peut dire que n'importe quel film ou série est considéré comme pour adolescents à partir du moment où c'est le public cible, pas forcément où c'est le public qui regarde, tu vois ce que je veux dire. Mais dans tout ce qu'on a cité, parce que après on peut faire du name dropping pendant des Vampire heures Diaries, des heures. Sorte de truc. Mais... Girl. Girl, mais c'est moi Glee. alors juste, j'allais dire un truc intéressant, mais Glee. C'est chiant, as fuck. Le premier épisode. Non, juste fais un aparté. La première génération est cool, la seconde est chiant. Non, je suis d'accord. J'ai pas regardé ça. Moi, j'ai regardé un épisode. Ok. Je meurs. Sur ouais, mais place. Si t'arrêtes un seul épisode. Je suis une glic, d'accord. Moi aussi. Un épisode. J'ai pleuré. Et franchement, Glee monte il monte quand même une diversité. Attends, mais attendez. Attendez. 30 minutes d'épisode. Il y a 4 ans qui se passent dans cette putain de série. Il y a une séquence, c'est un mois. Ouais. Et c'est. Mais. Je n'arrive pas. Et en tout cas, le premier épisode. Il y a des ellipses de ouf, c'est vrai. Et du coup, bah, c'est de la merde. Voilà. Non, alors. C'est pas vrai, tu rigoles. Ça va, je rigole. On va en venir aux mains. Non. Bah, je t'attends, mon grand. Malgré des moments hyper cringy quand même. Dans Léa Michel. Léa Michel, qui est genre vraiment la cringitude incarnée. J'ai envie de la tuer. Ouais. C'est même pas elle qui chantait le mieux en plus. Mercedes, oui, c'est pas elle qui chantait le mieux. Alors. On peut lui reprocher beaucoup de choses à Rachel et à Michel, par contre, ça vaut, on peut pas lui reprocher les frères. Non, mais Mercedes chantait mieux. Non, mais elle avait plus de coffres. Mais non, mais par contre, pour le coup, en fait, c'est qu'à la fois, Glee a tenté des trucs sur la diversité, mais en même temps, ils ont banalisé des relations trop chelous. Ouais, mais c'est tout. Intéressant. Enfin, il y avait des choses qui étaient intéressantes, par exemple. Justement, comme il y avait peu de séries qui montraient ce genre de choses. Bah au moins on pouvait pas pas leur reprocher. C'est vrai que maintenant avec le recul par rapport à tout ce qui est fait, on peut se reprocher des choses, mais l'acteur qui jouait Kurt par exemple a dit en interview même si maintenant du coup voir des persos homosexuels c'est beaucoup plus banalisé tu vois dans les séries, il a dit franchement bah quand j'ai accepté en tant qu'homosexuel de jouer un personnage homosexuel c'était chaud parce que du coup en fait j'étais érigé en seule représentation LGBT des séries américaines. C'était une des seules en tout cas, et au lycée, et voilà. Et apparemment, c'était bien chaud. Hein. Mais justement, c'est que ça a ouvert bizarrement un peu la porte justement aux représentations dans le cadre LGBT, parce qu'en plus, on a des relations aussi entre par exemple Brittany et Santana. Il y a prescription, normalement, c'est pas du spoil ça. Mais du coup, y a toutes ces relations-là. Quoi. Alors qu'au départ, il devait interpréter le rôle d'Arty. Qui est le contrat de confiance finalement. Non, une autre minorité. Non, c'était une blague. C'est une blague sur Darty. J'avais pas compris. Alors ça, je sais pas encore j'ai pas compris, je te le garde au montage, mais si je te l'enlève pour pas t'humilier. Mais non, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude. Du coup, on pourrait peut-être faire un résumé de, en gros, les ingrédients peut-être. Bah justement, c'est ce que c'était avant que je fasse cet aparté sur Glee. 10 minutes égale un mois. Tout ce qu'on a cité en name dropant, il y a quand même des caractéristiques assez particulières, assez identifiables. Sur les personnages, sur leur relation entre eux, sur le contexte de l'environnement. Est-ce que vous pouvez peut-être les isoler? Je ne sais pas, Nicolas par exemple. Je te mets au tableau. Des acteurs dans 5 ans qui jouent des enfants de 17 ans, ça dérange personne aussi. Plus maintenant. Ils le font encore. Hein. Ça me dérange. Enfin, après, ça me dérange beaucoup. Mais les premières fois. C'est voilà, je le note. Euphoria. Non mais c'est ça, je le note voilà, dans Euphoria, même dans Sex Education quoi, on parle de Asa Butterfield qui a genre 30 ans et qui jouait dans Hugo Cabret il y a 10 ans et qui maintenant retourne au lycée. Bah j'en sais rien, mais moi je l'ai connu dans Hugo Cabret quoi, quand il avait 11 ans. Le film je l'ai vu au cinéma, je devais avoir genre 8 ou 9 ans et maintenant il joue un mec qui est censé avoir mon âge, du coup c'est pas censé être normal quoi. Non, mais qui est même plus jeune que toi, il est au lycée encore, t'es ouais, pas mais au lycée. Ouais, mais après on connaît pas ouais, c'est vrai. Ouais, mais après la série est sortie genre que c'est aussi le fait qu'il se passe 2 ans et bien sûr, mais dans la série ils prennent 3 mois quoi, mais Mais Mamaki, elle a juste sortie, pas du tout l'âge de son perso, mais comme la plupart. Comme après, la plupart. Je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal quand même dans Sex Education. Juste physiquement, ils s'en sortent pas trop mal. Il y a des séries. C'est dans Euphoria, je pense que c'est pire en vrai. Bah, c'est, qu'ils, c'est que j'ai. Bah, dans Euphoria, le personnage de Jacob Elordi. Oui, mais sinon, on aurait pas ces magnifiques scènes, d'accord. Oui, mais ça se voit que Jacob Elordi n'a pas de 17 ans et qu'il peut pas être en première, tu vois. Bah, Jacob Elordi qui joue aussi un lycéen dans cette super série de films Kissing Booth. Kissing Booth. Il y en a trois, je crois, non ? Il y en a trois, j'ai vu les trois. Ne faites pas ça. Soyez covidés, si je pense qu'on perd. Au bout de temps, t'aurais dû t'en rendre compte. Non, mais le 1 était comme forte. Ah, à mon avis, un des trucs à noter dans les. Enfin, dans la recette d'une teen série, ou en tout cas d'un pilote de teen série, le côté un peu comme forte, tu vois. La communication. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, il y a un côté. Il va y avoir des gens morts. Parce qu'il y a toujours des gens morts dans les teen séries, je sais pas pourquoi. Ils ont une date de péremption, mais genre assez spéciale. C'est l'effet dramatique. C'est l'effet dramatique. Il faut toujours terminer une saison avec un Maccabée. Mais en tout cas, non, il y a toujours un petit côté un peu comfort, genre des codes que tu connais, une ville de banlieue, un lycée où en fait les gens, t'as l'impression qu'autour d'eux, il y a une sorte d'auréole un peu chelou, voilà. Tu vois. Ouais. Tout le monde est dans des cases aussi. Ouais, t'as genre le groupe. Non, ça, c'est quand ils jouent à la Marelle, c'est normal. Bah, t'as les geeks, tu vois. Bah, ouais, le geek qui est pas aimé parce que sinon c'est pas un geek. Après, c'est très américain. Non, mais oui, c'est ça, on parle mais que d'un. On fait une teen série américaine. Oui, non, mais... Okay, on parle en américain désormais. On parle en américain. Après, en France, ils sont pas non plus. Où est ton accent américain, Nicolas? En France, les teen séries sont pas dinguissimes. Enfin, après, il y en a très peu aussi. Est-ce qu'il y en a? Bah, il y a Scam. Mais Scam, c'est norvégien de base. Oui, mais alors la version. Scam cartonne. Scam cartonne. Scam, c'est génial. Scam cartonne. Scam, la version norvégienne est géniale. Et maintenant, la nouvelle génération de Scam aborde des sujets qui sont pas du tout abordés aux États-Unis. Genre le fait d'être tombée enceinte à 16 ans et de garder l'enfant. Ça, c'était merci pour le spoil. La surdité aussi. La surdité. Alors, c'était Colonel Riel, tu confonds. Mais oui, Scam, je connais pas. Le seul truc que je sais, c'est Scam, c'est qu'il y a quelqu'un que je connais qui a joué dedans, c'est tout. Ah ouais c'est moi. Toi mais non. La figure. Bah oui, mais on me voit bien. Ah d'accord, non, parce que moi, j'ai une pote qui était dans mon école avant qui est dans un rôle principal de la dernière saison. Là. Ok. Non, pire, j'ai peu quoi contact. Vraiment hein, dans juste, les scènes majeures. C'est-à-dire, alors, du coup, je me suis remis à Scam hier. Du coup. Ah ouais. Donc du coup, quel épisode? Saison 4, 5, 6. Oh putain, je suis pas. Ouais, j'ai recommencé la saison 1. Avec, ça va. Moi, j'ai joué au foot avec Omar Sy, donc calme-toi. Les scènes dans l'école. Eh, c'est pas un concours. Parce que je ressemble vachement à un lycéen. Non mais attends, du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Vu qu'on fait un truc. On a cette série en France, mais c'est franchement, c'est une des seules. Il y en a. Ouais. Ouais. Mais dans les trucs ricains, oui, c'est vrai que. Mais après, c'est aussi vraiment aux États-Unis, il y a ce genre de trucs. Dans la vraie vie. Après, il y a des groupes très identifiables. Des geeks, des trucs comme ça. Alors qu'en France, on est vraiment sur juste les bullies et les bouliers. Enfin, ceux qui se font harceler. Les bullies. Les bullies. Harceleurs et harcelés. J'ai dit ouais, ça. Voilà. ça va? Je te dérange de me. Hein bon, c'est bon. Eh, c'est bon. Tu sais quoi, je te mute. C'est ma maison. Non, j'ai oublié quel micro t'étais en plus. Il va se mute lui-même. Qu'est-ce que je veux dire? Mais non, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cases de groupes très identifiables. Et ce qu'on suit, c'est les relations. Mais même quand ça se passe pas que au lycée, parce que ça se passe beaucoup dans les écoles, dans les universités, de ça. Mais il y a beaucoup de. Même quand ça. Des jeunes adultes, ils ont tous des caractéristiques hyper identifiables. Et ils correspondent à un archétype. C'est pas des personnages très complexes. Non, jamais. Et puis surtout, Non, et puis surtout, le perso principal, tu vois, il va toujours être en mode à se mettre dans une case, à être bon élève, etc. Mais tu sais, genre, toujours pour prouver quelque chose à ses parents. Mais il a un talent artistique. Et à la fin, il va toujours suivre son talent artistique. Et il va faire du Juilliard. Voilà. À chaque fois, ils font les meilleures universités. Ils font toujours du Ivy League, genre. Ah ouais. Et surtout, ils ont toujours de l'argent. Les séries américaines, ouais. C'est toujours dans des grosses villas. Mais pas que les séries américaines. Oui, mais bien sûr. Élité. Mais après, non, Élité, justement, c'est le principe de Élité, la série. Élité. J'ai vu Noémie qui bégait sur le nom. Élite, c'est une série Netflix espagnole, enfin en tout cas enfin voilà, Netflix Espagne, qui se passe à Madrid et où en fait c'est dans un lycée, Las Encinas ou Las Encimas, je sais plus. C'est Gossip Girl en Espagne en fait. Sauf qu'il y a un meurtre et j'ai pas regardé donc je sais pas. Il y a des gens qui meurent dans Gossip Girl, hein, faut arrêter de croire. Hein. Ouais, ouais, c'est qui bizarre. C'est le un spoil, on parlera pas. Et après, alors, il vient à la vie. Oui, et puis il remeurt. Mais. Mais y a des gens qui reviennent à la vie. Là, pour spoiler Gossip Girl, mais la raison pour laquelle. Là, là, là, là, on spoil pas, enfin. Les auditeurs vont te détester. Mais c'est Gossip Girl, ça va. Après, on prévient au début du. Ouais, spoiler, revenez dans 5 secondes. La raison pour laquelle Serena, elle est vraiment partie, parce qu'en fait, il y a un mec. Bref, du coup. Autant dire ça en off, du coup. Non, mais ce sera coupé. Je vous protège. Non, mais oui. Et c'est vrai, et c'est que même quand du coup, genre les persos ils ont des problèmes de thunes, c'est des problèmes de thunes dans des baraques qui sont particulièrement vastes. Oui, ça me fait un peu penser à Violetta aussi. Violetta qui est américain, qui sera... du sud. Du Amérique du sud, ouais. Mais ça, c'est grâce au crédit. Ils sont tous hyper riches. Ouais. Et il y a beaucoup d'histoires d'artistes. C'est-à-dire que là, ils sont une école d'artistes. Ils chantent. Undo Stress. C'est une école d'artistes. Alors, Undo Stress, il va falloir qu'on en parle. Mais par contre, ils ont des vrais problèmes d'argent. Non, parce que Undo Stress, c'est la différence. C'est les seuls, ils ont montré vraiment des gens fauchés qui étaient fauchés. Et ils montrent de la diversité. Pedro. Ouais, il y a la. Putain, j'ai oublié les noms des personnages, mais les quelques épisodes que j'ai regardés, il y en avait une toute petite là, dont le père est au chômage. Ouais, c'est, je crois que c'est Lola, avec les cheveux longs. Et voilà, c'est. Ça aborde des trucs. Et Pedro, aussi, et Pedro qui est. Genre de Jean Galice et tout. Et ouais, c'est ça. Et genre Pedro, en gros, la journée, il fait ses cours et la nuit, il nettoie et il se prostitue. Quoi. Un moment, je crois qu'il fait du striptease. Très bonne ou un truc comme ça. Oui. Mais bah, non, c'est pas mais... forcément faux. Et, non, mais c'est vrai. Et non, mais pour le coup, ils sont quasiment. À part Roberto, ils sont tous fauchés. Et Sylvia, ils sont tous turbo fauchés. Et parce qu'en fait c'est une école boursière. Mais par contre dans Violetta, il y en a qui galèrent aussi. Non, il y en a genre Fran. Est-ce que j'ai vu tout Violetta? Moi j'avoue que j'ai regardé la première saison. Elle a une bonne adolescence. Mais Francesca par exemple, elle galère un peu et carrément elle bosse avec son frère dans un café pour pouvoir vivre normalement parce qu'elle vient d'Italie à la base. Oui, voilà. Mais c'est bon, ça va. Mais c'est vrai que c'est par contre, dans Violetta, son daron, à un moment, il est censé plus avoir d'argent, mais il continue à être dans une baraque hyper grande. Et bah, si elle est proprio, elle paye pas d'impôts. Non, je crois pas qu'il soit proprio. Enfin, bref, mais. Ouais. Parlons de la bref. De la propriété foncière de Violetta. Alors, à combien vous l'estimez la baraque? Non, mais oui, c'est sûr qu'il y a peu de problèmes d'argent, à part dans Undo Stress, mais bon, c'est un peu une exception. Si on pouvait arrêter de parler de cette série qui m'a trauma. Non, c'est pas vrai, mais on m'a forcé à la regarder. Undo Stress, ouais. C'est fantastique. Adèle m'a forcé à la regarder. C'est trop bien. Elle a bien fait. Mais en vrai, il va y avoir un reboot. En vrai, c'est très mal. Comme en vrai, j'ai peur. Avec certains acteurs de la série d'origine, je te jure que c'est vrai. Avec Miguel Angel Munoz. Bah, peut-être. Mais attends, non. C'est Roberto. Oui, mais maintenant, il a 45 ans. Hein. Mais non. Ah bon? Ah mais oui, pardon, excuse-moi. Moi, je m'en fous avec le mec qui joue dans Clem. C'est horrible. Dans Clem? Ah, Agustin Gallardo. Tu as confondu deux noms en espagnol, finalement. Non, ils se ressemblent particulièrement beaucoup. Je sais pas, je connais. Pardon, pas. Ils ont fait tous les deux danser avec les stars. Mais bref. Les belles rêves. On élargit notre. Reprenons du coup. Mais à la base, nous sommes un média qui parle de cinéma. Tarantino. Enfin, Scorsese. Excusez-moi. Le film préféré est Citizen Kane. C'est bon. Ça passe. Laisse le film en dehors de ça. Bah, Teen Movie ou pas Citizen Kane? Citizen Kane ou Violetta? Violetta. Ouais. Désolée. Mais Team Léon ou. J'étais Team Diego, moi. Je sais plus le nom du gars. C'est pas Louis. J'ai jamais été team, ouais. Team et Léon. Clark. Il y avait Thomas, non, Diego et Léon. Louis et Clark. Mais qu'est-ce que j'ai. Ouais, du coup, pas de problème d'argent. Tu vois, tout ce qu'on vient de dire là sera coupé. Mais pas de problème d'argent, généralement. Non, jamais. Et Bah, c'est arrêter de rigoler, enfin. Bah, ça va pas ou quoi? On n'est pas. Putain. On n'est pas dans un bar, quoi, merde! Non, mais non, rarement des problèmes d'argent. Voilà. Incontrôlable. Alors, tous les trois, on va faire une émission. Qui part résumer du coup de ce qu'on a dit. Nicolas et moi, allez. On laisse. Non, mais oui, on peut résumer peut-être. On résume ce qu'on a dit. Enfin, je sais pas. Bah, non, mais. Non, pas tout. Violetta et. Pas de soucis, t'as un champ. On recommence tout, allez. Alors. Le prochain trope. Donc ils ont pas de problème d'argent. Il y a des cases très distinctes et c'est un cast dans. Oh, bah, on les laisse tranquille. Hétéro. Blanc, hétéro, pas problème d'argent. Hop, c'est la fin du podcast. Bonne soirée. À chaque épisode, on va dire ça. C'est chiant. Mais non, comment dire. On dénonce dans le crible. Ah, attends, on est de gauche ou quoi? On est engagé, hein. Non, mais un cast d'ensemble. Il y a beaucoup de personnages aussi. C'est un truc qu'on n'a pas trop noté. Ouais, c'est qu'il y a souvent énormément de personnages. Et pas super bien développés. Et le pire, c'est qu'ils multiplient les personnages alors qu'ils n'ont pas développé encore. Oh oui, voilà. Bah, des personnages dont le plumage se rapporte à leur ramage. C'est-à-dire qu'on ne les développe pas tant que ça parce qu'il y en a beaucoup. Enfin, c'est que. Je sais pas si c'est l'expression appropriée, mais je voulais juste la caler. Non, non, mais si, si. C'est tout à fait approprié. Bah, je sais. Big up de La Fontaine. SO, enfin, que ça sert, SO La Fontaine. Allez. Alors là, on a perdu Lauriane. Waouh. Je savais pas que l'épisode le plus dur à enregistrer, ce serait celui avec les fondateurs. Quoi. Comme je suis en pleine digestion. Moi, j'ai aucune excuse. Hein. Non, vous êtes complètement con. Il n'y a pas de. Y a pas de voilà. Ouais, non, mais. Peut-être. Un cast d'ensemble avec plein de personnages. D'acteurs pas connus, mais parfois il y en a des connus parce que comme le succès marche, bah du coup ils ont envie d'avoir de l'argent, donc ils viennent dans la série à la saison 2 ou 3. Ah oui, d'ailleurs dans notre pilote, il va falloir oui. qu'on mette un acteur ou une actrice connue qui vient pour jouer son propre rôle. Tom Holland. Non, plus un Schwarzenegger, tu vois. Laissons-le en dehors de ça. Si c'est plus en mode il a 90 ans, genre qu'est-ce qu'il en fout dans une série Eh où c'est le futur président. Non, mais tu vois genre pas un ou je sais pas un Trump. Non mais une star qui vient salut, pour être, qui vient pour jouer en gros son propre personnage, enfin lui-même. Et en fait est-ce que d'ailleurs dans notre épisode de série on va ajouter les applaudissements et les rires derrière. Oui, je les ferai. Bah sinon on enregistre Lauriane pendant l'émission. Non mais en tout cas il y a une sitcom. Ouais, ok. Moi, non, je trouve quand même que maintenant ça se veut un peu dramatique et tout. Ouais, souvent ça commence sur un meurtre ou un mystère, tu vois. Souvent. Riverdale. Bah ouais, Riverdale. Mais même, Rangers, ouais. Clairement. 13 Reasons Why. Même récemment, enfin l'année dernière, c'était Ginny et Georgia. Ouais. Qui était cool d'ailleurs. C'était plutôt cool. C'est un peu cringe aussi. Bon, de toute façon, c'est une série donc c'est cringe, mais. Ouais. Mais cringe malaise même. Cringe malaise de ouf. Mais ouais, enfin tu Wings. Commences toujours. Au quoi Attends. Les Wings a tout, enfin permet d'illustrer tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il y a des cases bien distinctes sur chaque personnage. Il y en a trop. Et c'est toujours des beaux. Ils sont pas développés. Et dans Wings, ça le montre aussi. Et d'ailleurs, on parle des Wings live action, pas de la série qui est particulièrement géniale. Alors que par contre, la série Netflix, elle est. Trois premières saisons sont les seules qui existent pour moi. On est d'accord. Ah, donc tu es une négationniste. Totalement. mais non, on parle de la. Enfin, c'est vrai que la série, la saison 1 du coup live action de Wings, Fate, ça s'appelle Fate. Saga. Fate Wings Saga, c'est vrai que je pense que c'était l'exemple le plus, qui illustrait le mieux, je pense, qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui. Ouais. La saison 2 est en préparation. Et, t'as hâte, Alex? Ils annulent. Absolument pas, mais je vais quand même regarder. Moi, ça me rend ouf, tu vois, c'est qu'ils annulent. Pour l'amour du cinéma. Ils annulent Anne with the Knee, mais par contre, ils relancent une saison 2 des Wings, mais bref. Anyway. Mais ouais, du coup, on en est où? Moi j'ai un. Putain, elle suit pas du tout, c'est la pire cliente. Mais après. Oui. Moi j'ai un trope aussi, c'est que je trouve que maintenant, les persos principaux ils veulent toujours que ce soit un peu des gens faussement marginaux en mode. Bah, un peu comme Glee en fait. Je suis un peu edgy. Bah, c'est ça, je suis un peu un loser, je suis pas une meuf cool quoi, je suis pas populaire. Elle me crie pas, elle me weirdo, comme ils disent. Radiohead. Bah la chanson de Radiohead quoi, merde. Radiohead. C'est pas très teen movie tout ça. Radiohead, c'est hyper émo. C'est très fin. C'est très vieux surtout. Oh, très 92, ça va. Toi aussi, déjà. J'étais pas né en 92. Je tiens à préciser ça pour les auditeurs. Mais un an après, oui. C'est faux. T'étais déjà là, en vrai. Mais du coup, oui, tu disais. Oui, faussement marginaux. Faussement marginaux et tout. Et je trouve que c'est un truc qui revient beaucoup maintenant. Ouais. Avec pourtant, comme dit, voilà, des acteurs super beaux. Voilà. toujours. Putain, je suis trop détesté. Tu es le beau gosse du lycée. Arrête, arrête, tu m'énerves. Non mais moi ça m'a. Justement, faussement moche. C'est surtout qui. Oui, c'est ça. Ils ont un glow up. Le geek charmant. Je veux vraiment parler au bout du de 3-4 épisodes, il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux. Ils entrent dans un petit groupe et ils vont glow up. D'un coup, ils vont se révéler. On va leur retirer leur paire de lunettes et waouh quoi. Alors, il avait un visage. C'est de Superman. Vous êtes en train de décrire le geek charmant. C'est, voilà, ça, c'est exactement un film, ça. Un film sur lequel j'ai fait une vidéo. Elle est trop pas bien. Elle est, le film, elle est trop bien. C'est un film avec le mari de Sarah Michelle Gellar pour continuer à parler de Buffy contre les vampires. Ah, oui. Mais ouais, où, c'est un film où, bah pareil. Freddie Prinze Jr. Mais d'ailleurs, il y a eu un remake avec Addison Rae. Ils étaient ensemble. Qui d'ailleurs était particulièrement mauvais, mais est-ce qu'on s'y attendait? Oui, totalement. Et il est trop bien. Et en fait, du coup, ouais, à la base, c'est un film des années 90-2000 qui s'appelle Elle est trop bien. Et il y a eu d'ailleurs une parodie avec Chris Evans qui est hilarante. Qui s'appelle Knives Out. Non. Non. Mais en tout cas, ouais, ou bah pareil, tu sais, il y a le trop de on lui a retiré. Tout le monde avait. Attends, quoi? Bon, en fait, on lui retire. Enfin, la meuf, tu sais, elle a une salopette attachée de peinture, elle a les cheveux attachés et une paire de lunettes. Another Teen Movie. Et non, t'es... Non, ça c'est la parodie, justement. Another One by the Dust. Non, Another Teen Movie, c'est le film dont tu parles de Chris Evans. Non, mais oui, mais ça c'est la parodie du film oui, voilà, dont je parle. Mais... Oui, mais t'as dit il y a une parodie de Chris, avec Chris Evans, c'est celle-là. Oui, voilà, c'est okay. Ça. Mais le film, c'est She's All That. Non, oui, c'est ça, c'est She's All That. Et voilà. Bon, en vrai, ce film, moi, ce que j'ai apprécié, en tout cas, donc oui, il y a toute une séquence de makeover, mais que justement, ils disent, je sais plus trop c'est comment qu'ils le disent, mais en mode la nouvelle version, pas améliorée, mais juste une nouvelle version de la meuf. Et j'avais bien aimé. La V2, quoi. Ouais, mais pas en mode elle est mieux parce que maintenant elle a mis une petite robe et tu vois. Mais oui, mais alors, c'est peut-être le seul film. Parce que moi, je vais revenir dessus. Le Geek Charmant et ce genre de série, c'est vraiment. T'as beaucoup aimé le Geek Charmant? Non, mais parce que j'avais 13 ans. Donc j'ai revois-le. Parce que moi, je l'ai revu il y a pas longtemps pour écrire un truc dessus. Non, c'est pas bien. Mais surtout, le message, c'est vraiment. Au début, c'est un geek. Voilà. Pas charmant. il veut faire une vidéo sur la meuf hyper populaire du lycée. Pour un projet d'option cinéma. Et il commence à devenir pote et tout. Et elle le relook. Et elle se met avec lui que parce qu'il est relooké. Ouais. C'est-à-dire que. Je sais pas, elle change totalement sa personnalité, sa coupe de cheveux, son apparence physique, son apparence mais elle aussi, après. Vestimentaire. Mais il y a un film Netflix qui est sorti récemment, et on dirait exactement le même plot en fait. C'est ça, c'est, en gros, c'est le remake avec... de She's All That, mais ça, c'est He's All That avec Addison Rae. Ouais. D'accord. Et l'acteur de Popeye Kid. Et ouais, et du coup, le geek charmant reprend, enfin, c'est à peu près la beau. Même story. Oui. J'ai pas d'avis sur la question. Ne se prononce pas. Mais après, il y a des personnages secondaires. Enfin, je pense que quand une série prend de l'ampleur, après ça évolue et parfois les personnages évoluent aussi, mais pas dans le sens positif forcément du terme. Nous, notre but, c'est de parler que des pilotes. On va écrire un pilote. Non, mais oui, on peut parler d'autres choses. On va écrire un pilote, du coup, il faut qu'on. Non, on va l'écrire ou pas? Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Parce que je vois le timer défiler. Et je me dis, après tout ce qu'on a dit, je pense qu'on a tous les ingrédients pour faire une belle recette de pilote de teen movie, teen série, tout ça. Yes. On va partir sur une série, hein, parce que c'est plus simple, il y a plus de personnages possibles. Déjà, quel âge on les personnages on les met au lycée. Dernière année de lycée, ouais, parce que lycée. Préparation pour l'université. En terminale ouais. Allons-y. Et ils vont jamais préparer leur concours de toute façon, parce qu'ils sont hyper intelligents et qu'ils vont tout. Ils vont jamais à l'école et pourtant ils arrivent à avoir des. Comme dans Murder. Université de la Ivy, tu vois. Non, on va pas toucher à Murder. Comme dans Murder. Oui, mais d'accord, mais dans Murder. Murder, c'est non. Murder, non. Ils sont à la fac. Oui, mais sauf que genre. Murder, non. Sauf qu'ils sont là. Murder, non. On a dit quoi, Nicolas? Murder, non. Je te mute, hein. Je te mute. Du coup, ok, ils sont en dernière année de lycée. Classique. Classique. Il y a. Le choix crucial. Oui, américain. Est-ce qu'on peut avoir une cheerleader ou pas? De quoi? On peut avoir une cheerleader dans le cast? Bah, il y a toujours des cheerleaders de façon dans oui, le. Oui. Genre, c'est toujours une petite blonde justement, moi, qui est en couple avec un sportif. C'est le truc le plus crucial, c'est essentiel pour savoir dans quelle direction on va, c'est le personnage principal est populaire ou pas, pour savoir dans quel sens on va aller. Moi, je dirais pas populaire. C'est un personnage populaire qui a une vie cachée et en fait, c'est Superman. Ça a déjà dit ça. Ça s'appelle super, pas Superman finalement. Ça s'appelle non, je pense que super. Pour entrer dans les clichés, le fait que la personne soit pas populaire, c'est peut-être mieux. Ouais, je suis d'accord. Bah oui, je suis d'accord. Une fausse loseuse. Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Genre, attends, comment elle s'appelle? La meuf dans High School Musical, quoi. Bah, allons-y. Gabriela Montez. Ouais, c'est ça, c'est celle qui fait des maths. Mais non, qui est une bombe atomique et qui fait des maths. Ce qui est pas normal. Je suis trop une geek. Non, non, non. On dirait Kendall Jenner. Même si t'étais une. Même si t'étais une geek, je pense que t'aurais pas les problèmes que t'as dans le film. Vraiment, c'est. Tout le monde serait en adoration devant cette meuf. Enfin, bref, ça n'existe pas. Mais juste, elle s'habille particulièrement. D'ailleurs. Bah, les années 2000, chose... finalement. Oui, mais d'ailleurs, dans la plupart des teen séries, ils habillent leurs persos qui sont censés être fans de mode, mais alors comme des yep. Ouais. Genre, Sharpay Evans. Et... Non, Sharpay Evans avait un look. Non, non, elle avait un style personnel. Non. Voilà. Non, mais arrêtez. Mais quand tu regardes. Arrête. Quand non, tu moi, regardes. Dans les séries récentes, ils sont habillés comme des quarantenaires, quoi. Ouais. Genre, on dirait des comptables. Je te jure. Et t'es en mode. Alors, du coup, la première chose qu'on doit faire dans notre série, c'est engager un costumier. Mais un bon bah costume. Non, justement. Ouais, si non. Un bon pilote. Ouais, voilà, si on veut un bon pilote, il faut avoir. Il faut, ouais. Tu passes chez Jennifer et t'achètes. Pas genre Camailleux. Et tu, ouais, tu es Camailleux. Et tu vis. Vraiment, il faut la vibe de. Comment elle s'appelle? Elena Gilbert dans Vampire Diaries, c'est la vibe qu'on veut. Ou alors empiler plein de colliers d'un coup, et ça, ouais. C'est censé être un truc avec des sacs. On voit pas, c'est pas parce que c'est un podcast, c'est pas visuel. Oui, oui, effectivement. Bien vu, d'où les micros d'ailleurs devant ta. Les petites good bags. Non mais faut. Ça se passe à quelle époque? Donc maintenant on est au. Teen Series toujours contemporain. Ouais mais enfin, sans Covid parce que sinon c'est pas drôle, oui, ils peuvent pas faire la fête. Ouais parce qu'avec les masques. Elle venait, on met le Covid dans la série. Ouais. Dans le reboot de Gossip Girl, il parle du Covid et du confinement. Non, oui, justement, ça, c'est après le confinement. Mais genre dans, ouais. Mais oui, normalement c'est de façon générale, tout le monde dit genre beau, Euphoria, il ils ont fait un nouvel an. Oui, parce qu'en fait le glow up, la personne enlève juste son masque quoi. Ça peut être très très drôle. Ça et elle enlève la buée, ses lunettes et là. Ça peut être très très drôle. Putain, franchement, mais moi je t'étais archi belle en fait. Ou pas. Mais ouais, non, si, du coup, une. Je t'écoute, je suis toute oui. J'ouvre mes yeux quand je regarde les oreilles. Il y a eu un jeu de regard là, c'était. Foudroyant. Je sais plus où on. Elle t'a déstabilisé. Avec un masque, le Covid. En fait, elle est belle. Pas de Covid, pas de Covid. Du pas coup. De Dieu, merci. Pas de Covid, ok. Ok, bah pas de Covid. Mais dans ce cas, c'est quoi l'histoire? Alors, c'est chiant. Il faut, là, ok, alors avant le moment où on met le nom de la série, qui d'ailleurs, il n'y a pas de générique, c'est vraiment juste le nom de la série. Oui, parce comme que ça. Le générique, ça arrive au deuxième épisode. Les génériques, ça, c'est à la fin maintenant. Les génériques. Non, non, ça arrive souvent au deuxième épisode. Au deuxième épisode, mais ouais. C'est toujours en fin d'épisode. Et t'as oui, juste oui. Le nom de la série qui s'affiche un peu comme Emily in Paris pour citer les bandes raf. Mais enfin, toujours même Elite ou même Stranger Things, c'est que des. Enfin, c'est. Ils font apparaître le nom, mais par contre, t'as à peine. Bah, t'as un peu de musique, quoi. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est. Ah, c'est t'as ignoré logique. L'introduction, alors mais que j'ai leur 30 secondes. Teen série, c'est toujours. Le moment où on commence, on va toujours se manger un flashback. Et toute la série ça, en flashback va arriver. Ouais, c'est comme ça que ça a commencé. C'est toi avec une voix off toujours. Vous vous demandez probablement comment je me suis retrouvée dans cette situation. Comment je suis devenue un lama. Mais tu sais, genre c'est toujours justement un truc hyper dramatique, genre je sais pas une maison en train de brûler ou un truc comme ça. Et en fait. Là, ça freeze frame. Ça, c'est moi. Vous demandez sans doute comment j'ai brûlé cette maison. Donc on part sur film d'horreur alors. Non, on part pas sur film d'horreur, mais tu sais, genre un truc hyper grave où t'as l'impression que la personne, donc le perso principal, c'est sa faute, et en fait, après, avec le suivi des événements, tu te rends compte que bah en fait, ah non, c'est pas en exactement ça. C'est un stalker qui essaye de me tuer. Depuis c'est très murder. Tout en fait. Le temps ça. Bah, c'est ouais, ouais. Murder a pas lancé ça, mais Murder a vraiment instauré ça. Ouais, ouais. Mais, la série Only Murders in the Building aussi, c'est comme ça. Aussi, ouais. Oui, oui, Baguette. Avec Selena Gomez et Steve Martin. Ah, ces trucs est sorti sur. Ah, mais je regarde les trucs seulement des meurtres dans le bas de ses mains. De quoi? Je regarde pas les trucs avec Selena Gomez. Non mais c'est très drôle, j'ai vraiment bien kiffé. Je l'aime. C'était très beau. C'était très, alors, très beau. J'ai pas d'avis sur la série, mais elle a commencé comme ça. C'est-à-dire que ça commence avec les personnages de Selena Gomez et les deux autres dont j'oublie. Steve Martin et je sais plus qui. Grave. Bah, je sais plus qui d'ailleurs qui joue dans cette série. et ils ont les mains dans le sang avec un cadavre et les deux ils arrivent et ils disent mais qu'est-ce que t'as fait? Et elle dit mais c'est pas ce que vous croyez. Hop, flashback 3 mois plus tôt. On sait toujours pas qui est le mort et on le sait genre à toute fin d'épisode oui, ou à la fin de la ou série. Alors ouais ou alors quand il y avait genre c'était les winters break et genre c'était l'épisode avant la winters break et après, t'es toujours sur murder là. Ben non, pas forcément, même dans toutes les séries, qu'il y a un gros truc, c'est genre plein milieu de la ouais, saison, parce que sinon c'est pas drôle. Ouais, genre. C'est ça. Parce que toi, tu penses à la diffusion télé. Oui, non, mais oui. Mais maintenant, là, ça existe c'est plus. 2000, mais maintenant, ouais. Avant, il y avait 24 épisodes. Je suis un peu un boomer, saison, moi. Okay. Maintenant, c'est 12. Plus jeune, je regarde encore la télé. Alors, petit contexte, oui, effectivement, avant il y avait 20-24 épisodes par saison dans les séries, avant une grande grève des auteurs aux États-Unis, qui était dans le début des années 2000. Et du coup, ils ont dû arrêter les saisons à la moitié. Et les saisons d'après, du coup, ils ont repris le format 12 épisodes. Maintenant, c'est 10 voire 8 sur Netflix. Ouais. Parce que tout sort en même temps. Voilà. Enfin, non. Oh non. Je suis la roqueuse de diamant. Mais non. Ok, Renaud. Non, mais en gros, maintenant, Netflix, ils sortent. Enfin, ça leur arrive parfois de faire un épisode par semaine. Mais c'est quand, c'est pas leur série à eux? Quand ça passe en US plus... Ah ouais. Non, non, quand c'est... Je dis que parfois, il y a des trucs genre Snowpiercer, ça passe en US plus 24, du coup, c'est une série par semaine. Non, mais il y a certaines séries qui sont des séries originales qui, qui sortent un épisode par semaine. Bah, je savais pas. Mais c'est très, très rare. Ça dépend. Disney+, ils le font sur toutes les séries. Ouais, et ça, c'est mieux, parce que le truc, c'est que, franchement, tu sais, tu binges le truc en une journée... Bon, j'avoue, j'ai pas d'avis, mais... Bah, moi, je regarde pas trop. Ça, c'est un débat. Oui, bah toi, t'as un avis, mais tout le monde n'en a pas un. Ok. C'est ça qu'il faut apprendre. Ok, je ferme ma gueule. Moi, je pense qu'il faut avoir juste le milieu entre les deux. Genre mettre la moitié, mais pas tous les épisodes non plus. Ah non, par pitié, non. Genre mettre 4 épisodes sur 8. Encore en deuil pour Grace et Frankie. Ils ont sorti 3 épisodes comme ça. Ils viennent de nulle part. Ils font beaucoup ça. Genre, ils sortent les 3 premiers épisodes et ensuite, un par semaine. C'est pas genre Prime Video qui fait ça notamment. Je sais pas. Je suis pas archi riche en fait. Donc, non, mais je squatte. Je sais pas, moi j'attends la fin et je binge. T'es pas archi riche, mais t'es dans une grande maison. C'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Mais ouais, du mon père est fauché, mais j'ai une super grande baraque. C'est Violetta. On parlait de ça. Tu vois dans quelle ville notre émission Paris. Buenos Aires. Paris dans une chambre de bonne à. Buenos Aires. Non, mais en vrai, Paris dans une chambre de bonne de 500 mètres carrés. Non, mais c'est une grande ville. Non, c'est une ville de banlieue américaine. Occidentale. C'est les suburbs américains. C'est ça. Ah bon? Moi j'aurais plus. Genre Chicago. Barcelone, ce genre de truc. Bah non. Oui. Oui, mais après. Dans le Missouri ou quelque part vers là. Je sais dans pas. Nevada, Ozark. Ozark, les stations de ski. Ozark en France, dans la montagne. Ou dans le Jura. Exactement. Avec la différence. Tout simplement. Mais un peu de comté, bien sûr. Non, mais pourquoi on n'inventerait pas comme Euphoria un lycée random comme ça? Mais si, c'est ça. Ah, d'accord. Mais en gros, généralement, en fait, les séries, les teen séries, ils aiment trop inscrire leur série dans une ville en particulier. Genre, par exemple, San Diego. Non, mais changer toute la ville, évidemment, la géographie. Teen Wolf, c'est Beacon Hill. Voilà, c'est ça. Vampire Diaries, c'est quoi déjà? C'est Mystic quelque chose, parce que c'est Mystic Falls. C'est Garge Ligonnès. Non, mais ouais, c'est Mystic Falls. Enfin, tu vois, genre, à chaque fois, c'est dans des séries bien précises. Même, par exemple, Riverdale, c'est... Riverdale. et même... Pour mais ouais, c'est ça. Et Pretty même. Pretty Little Liars, c'était quoi déjà? J'ai oublié. Rosewood. C'est à Rosewood. Enfin, tu vois, genre, à chaque fois, ils aiment bien, même si c'est des villes qui n'existent pas, inscrire ça dans une ville, genre vraiment, parce que du coup, t'as l'impression que tous les trucs qui peuvent se passer, même les trucs que parfois, quand ça peut être surnaturel, etc., c'est que dans le périmètre de la un ville. Un peu comme Gotham, quoi. Un peu, ouais. Genre, inspiré de New York, mais c'est pas New York. C'est à peu près à ça, ouais. Voilà. Mais non, je pense que teen série, il vaut mieux partir sur un truc très semi-campagne. Ouais, mais tu sais, très, très banlieue, genre toutes non, les maisons. Non, mais pas banlieue comme chez nous, genre non, les suburbs. Non, quoi. Non suburbs, genre vraiment américain. La vibe d'Espérate. Ouais, le gazon bien taillé où il passe jamais la tondeuse. Le beau vis-à-vis. Un vis-à-vis de ouf. Mais non, mais oui, c'est d'Espérate, quoi. C'est clairement d'Espérate. C'est ça. Et le lycée de la ville. Et il faut que y ait un des profs ou le proviseur, ce soit le daron de quelqu'un dans la série. Un lycée qui est un peu genre soit penché dans l'art, soit penché dans les sciences, et il y a la séparation entre les deux clans parce que sinon c'est pas drôle aussi. Moi je suis pour et la le sport. Ouais. Pas oublier le sport. Moi, très dans tous les lycées américains, le sport. Le lycée public Jean Villard, off Mississippi d'ailleurs. L'espace Georges Brassens qui est le gymnase de la ville. Mais du coup, ouais. Ça peut être en Nouvelle-Orléans, tu me diras. Non, mais n'importe quel état. J'ai pas d'avis sur la question. Bah, tu vois, t'as pas tout le temps un avis. Elle n'a jamais d'avis, on ne va pas avancer. Bah, sur la Nouvelle-Orléans, peu de gens ont un avis. Il y a du jazz. Ouais. Des trompettes, et des crocodiles. Et des sorcières, apparemment aussi. Enfin, ouais. Et des vampires, parce que si on a des origines, ça va finir en Sabrina. Et il y a Dexter aussi, en Nouvelle-Orléans. Ah, je ne sais pas. Ah ouais. Oui. Ça, je n'ai pas d'avis sur la question. Je n'ai pas vu la série. C'est la version c'est bon très très cool. Et il y a eu une nouvelle saison. Enfin, c'est un faux. Ouais, c'est genre une suite. C'est un reboot. C'est genre une suite parce que les fans se sont plaints que la série était nulle. Du coup, ils ont fait ça 10 ans plus tard parce que c'est pas drôle. Genre, s'ils prennent pas 10 ans pour savoir ce que. Ouais. Il y en a qui sont morts depuis. Ouais, voilà. C'est vrai. Et comme disait Sarko, la mort c'est difficile. Passons. Du coup. C'est vrai que c'est difficile. Enfin, là pour le coup, il a raison. Franchement, il y a plein de choses, on peut lui dire. T'abuses un peu. Là, mais c'est vrai que là. Là, là, c'est, là recentrons-nous. Ne parlons pas politique. Mais. Donc ça se passe dans un état américain quelconque, dans un suburbs. Mmh. Mais bien profond pour qu'il y ait toujours la part puritaine, tu vois. Ouais, toujours. Mais je trouve que les parents sont puritains. Mais ouais, pas les parents sont puritains. Les enfants sont très dévergondés. Mmh. Ouais, ouais. J'aurais pas dit mieux. Ouais, ouais. Tu es rentré à 18h. L'heure où il non, mange. Non, maman, je vais aller fumer de la weed là. Américain, voilà. Ils sortent, ah ouais, ils sortent okay. À 22h, puis ils ont cours le lendemain à 6h. Exactement. Des États-Unis. Ouais. Non, mais ils mangent à 5h30. Oui, du coup, ils commencent leur soirée à vers 19h, donc vers minuit, c'est terminé. Franchement, ça va, ils s'en sortent. En même temps, ils finissent les cours à 14h, les amis. C'est vrai. La chance. Et ils ont les meilleures universités, ces bâtards. La chance. C'est incroyable. Alors, ouais, nous, on fait 8h, 17h depuis l'école primaire, on va à Nanterre Université. Et ils ont pas des casiers. Ah, j'en avais aussi. Et sur pas... Intérieur Nu, on revendique. Hein. Oh, putain. On balance. Oh, ça va, c'était à côté de chez moi, c'est bon. Nanterre. Sauf que pour aller à Harvard, c'est un peu plus long. Petite pause fraîcheur, disons. C'est important de s'hydrater. Alors, notre personnage principal, donc c'est un personnage qui est plutôt. Bah vas-y, américain. Fais du bruit avec l'eau. Blanc. Ouais, oui, mais blanc, évidemment. Moi, ce que je voulais dire, c'était. Quel, avec un prénom un peu bizarre, parce que sinon, c'est aussi pas. Hétéro-curieux. Non, ou alors il a une relation avec son meilleur ami. Qui regarde avec enfin, un truc un peu bizarre, genre tension sexuelle avec son meilleur pote. Des amis, meilleur pote, comme non, ça. Le meilleur pote l'aime, mais lui non, car il est hétérosexuel. Voilà. Ouais. Et en fait, il est pas si hétérosexuel que ça, on va se rendre compte. Genre dans la série, il y a un beau gosse qui va débarquer dans le lycée. Il va ken et... quelqu'un d'autre, mais pas son meilleur pote, qui va avoir le seum. C'est Pascal, arrêtez. Le personnage principal, il peut pas switch comme ça. Ils sont dans des cases. Non, et le personnage principal, je suis désolée, on est là pour faire un épisode de série Netflix, pas pour révolutionner les codes ouais. De série Netflix. Nous, on il veut est pas est écrire héros. Une vraie série, nous, on veut faire des blagues. On est ok, j'ai compris. Débilos. Donc, le personnage principal blanc hétérosexuel, c'est une fille ou un garçon? Voilà, c'est ma question, c'est ça. Il y a des filles. Moi, j'ai pas non binaire, c'est pas possible. Fille ou garçon. Les cases, on a dit 40. Non bi quoi. Fille. D'accord, fille. Donc fille. Ouais, on vote pas, genre c'est genre juste c'est 10 filles et c'est non, moi j'aurais dit filles. C'est une dictature. c'est la présidence. Sympa, le... Je déchide. Non, mais c'est souvent des filles quand même, oui. Les persos principaux, parce que souvent le public est plus féminin. Parce qu'elles sont des, comme, oui, c'est ça. Et aussi comme elles sont genre, comme c'est des filles, elles peuvent être un peu plus genre comment on dit genre. La bibitch. Ouais, c'est ça. Non, mais elles peuvent être un peu genre sous les ordres des gens. De toute façon, les garçons, si t'enlèves la CD. Des petites pestes, quoi. Ouais, des voilà. Garces. Des chipis. Des chipis. Des sacrés pétasses. mais du coup, moi j'aurais dit aussi. Mais moi, ma question que je voulais poser là-bas, c'était dans quelle case elle est. Parce qu'elle est pas populaire, mais, ouais, elle, mais elle a sa meilleure amie. Elle est gothique, amie. Elle est poète, non, elle est quoi. Non, elle est pas, quoi non, elle est pas gothique, non, faut qu'elle soit blonde. Elle est juste seule et déprimée. Gothique. Et moi, je pense qu'il faudrait lui ajouter un talent. Mais tu sais, un talent qui pour les autres est perçu comme waouh. Mais pour nous, on se dit, oh, c'est pas ouf. Oui. Elle fait non. Bien de la corde à sauter. Elle jongle. Non, elle fait de la photographie et elle voit un meurtre derrière ça pendant qu'elle fait une photo. Genre au fond de. Quand elle développe dans la salle dans la salle toute rouge bizarre ah mais je suis tellement hypée là ou alors non de... justement pas soit un meurtre soit en fait elle voit machin en train de tromper machin et en fait le mec oui, hyper c'est... populaire de son ah, lycée bah, c'est son meilleur ami d'enfance mais parce que mais il y en a tout le temps et justement ça m'énerve oui, on en parlait en c'est off, le moment en d'ajouter des personnages homosexuels. J'ai pas aimé de le film d'ailleurs. C'est le moment d'ajouter des personnages homosexuels. Il le trompe avec un mec. Non mais la copine de son meilleur ami d'enfance qui est le mec le plus populaire du lycée trompe avec avec un autre mec parce que ouais. Quand même généralement la tromperie ils ont du mal à faire des switch quand même. Non mais moi du coup j'ai une idée du coup genre c'est la meilleure amie qui est gay son ancienne meilleure amie d'enfance maintenant c'est genre la cheerleader ultra populaire qui la bully justement. Ouais, elle est obligée, elle dit je suis désolée de te bully, mais maintenant je suis populaire, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Évidemment. C'est la fatalité. Ça se passe en soirée quand ils sont un peu au milieu du monde. J'ai un statut à protéger en fait. T'es cheerleader, vraiment, calme-toi. Non, mais c'est vrai, par contre, ça marche qu'aux États-Unis le truc des cheerleaders. En France, tu fais ça. Les pom-pom girls de Nanterre. En France, tu fais ça, t'es une cassos, je suis désolé. Mais vraiment. Et pareil pour les sportifs. Waouh, le quarterback, tu joues autre chose que du foot en France, t'es en mode. Bah, c'est bien, fais-toi plaisir. Si, Dieu, bah si. La natation, en vrai, la natation. La natation, non, le rugby. Non, mais à la rigueur, si tu fais du tir à l'arc, oui, pourquoi pas, je veux bien, tu vois. Putain, les champions. Demande ça à Katniss. Je suis championne de pétanque. Parce que Katniss est badass. Mais je suis désolée, mais c'est plus des, tu vois, genre des Christians, genre vraiment fins comme des feuilles qui font du tir à l'arc, tu vois. C'est pas que des Katniss, pardon. Désolée à tous les Christians qui écouteront ce podcast. Qui sont pas forcément fins comme des. Non, mais qui ne tirent pas forcément à l'arc. Qui ne tirent pas du tout. D'ailleurs, parce que peut-être qu'ils font du tir à l'arc, voilà. Faut se poser les bonnes questions ici. Ils peuvent tirer ce qu'ils veulent, déjà. On n'a pas la peau jugée. Arc ou autre. Arbalète, je sais pas. Je fais du tir à l'arc. Passons. Ok, Daryl. Je fais du tir. Bah, lui, par exemple, c'était un cassos. Au lycée, je veux dire. J'ai pas la ref. Walking Dead. J'ai pas la ref. T'as vu, il y a des zombies qui est parti en couille. Du coup, on commence par la scène d'intro. Le perso, du coup, la meuf. Qui Attends, mais qu'elle a un prénom d'ailleurs. On s'est pas décidé si elle était. On s'est pas décidé, on a pas de prénom. Ouais, parce qu'on s'est moqué de cheerleader, mais on a pas. C'est une meuf. Non, on a dit c'était une meuf qui faisait de la photographie en noir et blanc. Ouais, pas ouf. Des goûts un peu, En voilà. Argentique, parce que c'est ce qui est. Ouais, parce que c'est genre encore plus vintage. Du coup, elle s'appelle Margaret, mais ses parents l'appellent Maggie. Moi j'en ai connu une dans la vraie vie. Pas mal. Elle met des vinyles, elle met des chapeaux. C'est cliché de la elle en fait en France finalement. Elle met des couvre-chefs. Elle met des elle n'aime que les vieilles chansons. Bah oui, bien sûr. Ah oui, et elle ne regarde que des vieux films. Évidemment. En noir et blanc pour les droits d'auteur. Les trucs où les réalisateurs sont morts, il n'y a plus de son nom. Voilà. Exactement. Et du coup, en fait, son plot amoureux va dire. She's not like other girls. C'est dès le premier, le début. I love her, she's so crazy. En fait, c'est Aria, quoi. Oui, putain, c'est Aria. En fait. C'est Aria clair. Montgomery dans Pretty Little Liars. Je connais pas. Et bah, c'est vraiment la note like other girls. Ouais. Oh lolo, l'accent. I love like the other girls. Ah non, mais vraiment. Je ne suis pas comme les autres filles. Celle qui est hyper jolie, etc. Mais qui finalement, peut-être un petit peu plus sous le pied que ce qu'elle prétend, quoi. Oui, bah, on va éviter qu'elle. Qu'elle se tape son prof. Oui, non, elle va pas se taper son prof. Elle se fait groom de ouf. Elle se fait quoi ? Entretenir. Ah oui, oh, clairement. Mais pas là. Ezra. Okay. Ezra. Non, Flash. Là, ce qui pourrait être cool, ce serait que son pote amoureux, il soit à la fac pour leur mettre des bâtons dans les roues pendant le truc. Ah bah oui. Parce que c'est une série, il ne faut pas. Donc on part quand même sur un détournement de mineur. Mais comme dans toutes les séries. Mais dans toutes les séries américaines, c'est du détournement de mineur. Oui, oui. Et ils se connaissent. Et le pire, c'est qu'ils se connaissent. On ne sait pas comment, mais les gens entre la fac et le lycée se connaissent. Là, pour le coup, il y a un an d'écart. Donc en soi, on va pas dire que c'est. Non, ça se trouve, il y a. Ah oui, c'est vrai, elle est en terminale. Troisième année. Non, non, elle est en terminale. Il y a la fac, mais en troisième année. Non, en fait, ils ont peur. Alors. Mais elle ne sait pas. Plot twist. Yes. C'est très jeune. Les 13 de Crèche Borgia. Tu as le même nom que ma femme. Tu es née toute petite. Ou alors elle a été inversée à la naissance. Et en fait, genre... là, ça devient un drama espagnol. Télénovela vibe là. Wow. Il se rend compte, la personne qui est stable. On lui a donné quoi comme prénom déjà à la meuf ? Maggie. Margaret, mais Maggie pour ses parents. Maggie. Donc Maggie. Maggie, tout pour les Français quoi. Maggie. C'est quand même plus facile de dire Margaret que Margaret. Marguerite. Viens ici, Marguerite. Imagine la VF. Margaret. Margaret. Ah, c'est horrible. Marguerite. Mais non, c'est Maggie. Oui, c'est. Ouais, mais Maggie, c'est Simpson quand même. Ou c'est Maggie, le cube Mag. Ou juste Ma. La Rome Maggie. Ma. M. Non, mais moi j'aime bien Margaret parce qu'il y a un petit côté fleur. On l'appelle pas en Marguerite, la grande. Quoi. Un côté vintage, ouais, c'est ça. Ça va, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, mais moi, du coup, ce que j'envisageais, c'est genre. Donc, du coup, il y a une sorte de rivalité avec la populaire girl. Qui était son amie d'enfance. Betty. Qui s'appelle comment ? Betty. J'adore ce prénom. Enfin, c'est vraiment Rayleigh. Très cliché, voilà, de la Popular Girl. Genre. Et genre, la Popular Girl, elle sort avec le quarterback. Et le quarterback va finir par avoir un crush sur Maggie. Ça s'appelle Joe, le quarterback. Maintenant, ça s'appelle Glee. En gros, c'est Glee. C'est vraiment très Glee. Bah, parce qu'en fait, Margaret, elle chante très bien. Et ils vont entrer dans une chorale. Qui s'appellerait le Glee Club. Les New Directions. Les Two Directions. Parce qu'en fait, elle est bi. Directions. Mais du coup, ouais. Il y a une rivalité avec sa pote est ancienne. C'est son ancienne pote et maintenant elle est assez. Oui, donc c'est littéralement Mean Girls, quoi. Mais Non, mais non, justement. Mais elles ont quand même, elles gardent quand même des contacts. C'est-à-dire que à l'école, elles se parlent pas, mais en privé, des fois, elles se retrouvent l'une chez l'autre. Elles sont cordiales, quoi. Elles ont grandi ensemble, ouais. Donc elles sont potes, mais elles doivent pas le montrer. Leurs parents sont encore amis. Ouais. Elles ont pas le choix. Ah, d'ailleurs, notre perso principal, il faut qu'il lui manque. Enfin, monoparental, il y a un parent qui a claqué. La mère, elle casse. Elle a un chien parce que pour compenser ouais. Ce et manque. Petit frère ou petite sœur. Ouais, petite sœur, ouais, je pense. Généralement, t'as plus d'attache émotionnelle quand c'est une petite sœur et que c'est une grande sœur. Une jumelle, sinon. Non. Non. Ok. J'ai même pas pu me justifier. Tu fermes ta gueule. Non, je pense que petite sœur ou petit frère, c'est mieux. Parce que tu sais genre justement on va dire que c'est une mort récente genre l'année dernière ma daronne elle est morte et du coup en gros la petite sœur elle est encore un peu touchée par rapport à ça et elle se fait bully et hop ouais la petite sœur un truc secondaire ouais genre et la quoi. Sa petite sœur est meilleure pote avec la petite sœur de son ancienne meilleure pote ah ou de la petite sœur de son futur cum ouais. Ouais de son futur ou du nouveau voisin qui du coup son ah, futur oui, cum le nouveau voisin. Et qui ah, du et coup vous avez enfin un nouveau voisin qui est genre qu'il soit je suis chaud pour le nouveau voisin. Ouais, le nouveau. Et son nouveau voisin s'appelle Joe. Et et en fait, il la stalk. Et en fait, il la stalk sur les réseaux. Je me désole, mais c'est en comédie musicale. Je peux, mais. Il va falloir inclure un rap. Sinon. Avec Will Smith. C'est... De Lin-Manuel Miranda, parce que sinon c'est pas drôle. Écrit par Monsieur Schuster. Et interprété par Monsieur Schuster. C'est Glee. Ah oui, bon. Ouais. Depuis tout à l'heure, on est sur Glee. Oui, il est dans les 30 premières minutes. Moi, j'ai. Oh oui. J'ai regardé 30 minutes, ok. Tu l'as forcément. C'est lui qui ouvre la scène. Si tes poils se sont hérissés à un moment, c'était soit Léa Michel, soit c'était Will Schuster. Hérissé pourquoi? Parce que c'est cringe. Ah oui. Non, moi c'est la transpiration généralement. Quand c'est... La grosse goutte. Je suis. Actuellement, je suis. C'est pas si drôle. Qu'est-ce que j'ai. Ouais. Mais du coup, j'ai pas compris. Donc, elle va crush sur son nouveau voisin ou sur le quarterback? Non, en fait, il y avait pas le nouveau voisin. Ouais, il va faire preuve d'une force phénoménale et du coup il va devenir bam directement il arrive les quarterbacks et du coup rivalité avec un autre mec ouais faut qu'il y ait un triangle qui... amoureux bah rivalité avec le un mec quoi tu as amoureux un carré finalement un rectangle non mais un quadrilatère ok j'ai une proposition un pavé ça va finir en orgie un trapèze oui c'est la seule finale justement oui c'est ce qui montre en balance pour attirer les champs j'ai une proposition on a quatre personnages on a le quarterback le nouveau voisin Betty et Margaret Betty elle se tape le quarterback il s'appelle Joe, apparemment. Il s'appelle pas Joe. Il conduit un taxi ou pas non, ou sinon, je vais lui mettre un prénom genre bien, genre que personne connaît. Ben. Tu sais, genre. Ah, Antonin. Non, personne me connaît, mais le. Et on va l'appeler Tony. Tony. Mais son vrai nom, c'est Antonio. Son vrai nom, c'est Antonio, mais il veut pas dire qu'il est latino. Parce que, oui, non, mais ce qui pourrait être cool, c'est, tu vois, un petit peu genre exotique. Et pour eux, exotique, c'est genre, ouais, Europe, par exemple, tu vois. Le mec oui, vient d'Europe. Le pays d'Europe. C'est l'Amérique. Bah ouais. Le pays de l'Amérique. Tu viens d'où en Europe Paris ou Berlin. Le pays donc le mec a des racines italiennes. Le mec a des racines italiennes, c'est le nouveau voisin. T'as ensuite le quarterback, Betty et Margaret. Margaret, du coup, elle habite dans sa maison. Parce que elle est riche. Et elle est riche, elle vibe, elle fait de l'argent et tout. Alors, elle est genre que son père qui travaille du coup. Exactement. Elle est triste, sa daronne est morte et tout. Et en fait, du coup, t'as le voisin qui arrive. T'as le voisin qui arrive. Et en fait, du coup, t'as Betty et Margaret qui crush sa mère sur le nouveau voisin. Sauf que il s'avère. Il est gay. Il s'avère pas qu'il est gay. Ah, okay. Il s'avère que Betty, elle est un peu en couple avec le quarterback. Sauf que le quarterback, du coup, lui, il comprend qu'il y a un souci. Sauf que du coup, ensuite, Antonio... Parce qu'il est pas si bête que ça derrière son amoureux de Pierre. Derrière. T'as dérivé dans une voie. D'un coup. pourquoi l'accent. On a parlé italien, du coup Marseille. Du coup, non mais et du coup, genre sans le vouloir, parce que tu sais, généralement c'est toujours ce truc. Le nouveau voisin, il fait des trucs trop cool et il pique la place de tout le monde, mais il veut qu'il ait un passé obscur un peu nouveau. Il se drogue. Non, c'est un dealer. C'est un dealer de drogue. Et après il va tomber amoureux. Après il va tomber amoureux. C'est pour ça qu'il a dû quitter son pays. De son dealer. Dans le Missouri. Dans le Missouri, je sais pas, frère. On change d'état. Ah, il fait un truc avec un petit lac, tu sais, avec un pont au-dessus. Oui, ouais. Pour le premier baiser. C'est ça, pour le premier baiser sur le pont au-dessus et du lac. Et ensuite, évidemment, il y a quelqu'un qui va mourir noyé dans le lac, évidemment. Le lac, voilà. Sinon, c'est pas drôle. Oui, ouais. Le sapin, c'est la raison. Attention, c'est le premier épisode. C'est le quarterback qui meurt. Tant mieux, on l'aimait pas. Bon, attends, il a fait gagner l'équipe 15-0. Du coup, c'est forcément un deuil de toute l'école parce que toute l'école le connaît, évidemment, parce que tout le monde s'intéresse au sport. Et sauf qu'après, on se rend compte que petit à petit, les lycéens sont mauvais. Il est mort pour de bonnes raisons. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Vous êtes nuls sans lui, là. Il y avait 12-3, vous avez perdu. Mais en fait, ça crache derrière son dos. Ouais. Et en fait, ils disent, ouais, c'était pas tant, c'était un peu un connard. Il était pas si bon que ça. Ses stats étaient. Non, mais c'est vrai, genre, ça fait la minute de silence pour faire genre, mais après, c'est vite oublié et ça tweetos, c'est ça. Eh, ça va, les tweetos, ça. Et après, il y a des TikTok. Ça LinkedIn ou quoi? Hanouna, ma. Elle est où notre histoire d'harcèlement? Il y a toujours une histoire de harcèlement. Bah, c'est Maggie qui se fait harceler par. Ou alors, c'est genre. Alors pour faire plus complexe, c'est genre sa petite sœur et elle n'ose pas le dire à sa grande sœur et après elle va se rendre compte sa petite sœur et genre. Attends, on invente toute la série. Ouais, on invente vraiment toute la série. Là c'est le pilote. Le pilote, c'est. Le pilote, c'est Joe, le taxi. Mais le pilote, il dure 40 minutes ou 1h15 parce qu'il y a ça aussi. C'est soit ça dure toujours 45 minutes. 40 minutes. Non, 40 minutes pour les tuyaux de la série, c'est mieux. C'est maintenant, vrai que c'est 40 minutes. Ouais. À un moment, il faut la formation d'un groupe de musique aussi, sinon c'est pas une teen série. Mais oui, et au début, il faut 1, 2, 3, 4 et il rate. Non, il faut toujours des covers. Il y a quelqu'un qui rentre. Ça va le bordel? Quoi? C'est la daronne qui est morte. Quoi? 1, 2, 3, 4, ta mère est morte. Mais justement, je veux jouer de la guitare. Cela ne se peut. Mais en gros, il faudrait qu'il y ait des flashbacks de la daronne morte. Quoi? Non, mais quand elle est déjà morte. Vraiment, et du coup, quand elle est pas morte. Ah, quand elle est pas morte. Quand elle est, non, quand elle est déjà morte, et c'est juste des flashbacks où elle est. Et en fait, la daronne, elle est morte dans le lac. Et justement, du coup, c'est devenu son endroit fétiche. Et il faut qu'il y ait une fugue à un moment. Et du coup, on dit à New York. Tu saurais pas où se trouve Margaret? Je pense savoir où elle se trouve. Et c'est toujours sur le pont avec le lac parce que sa daronne, elle est morte là-bas. Et ma mère adorait m'emmener là-bas. Et elle s'est suicidée dans le sang. Son cadavre, son cadavre est juste là. Donc c'est pour ça qu'elle va retrouver le cadavre. De sa mère? Non, du quarterback. Oui. Mais c'est horrible pour elle, genre être dans le lac. Et ça, c'est le début. On veut du drama. Elle est traumatisée, quoi. Jamais elle va s'approcher d'un corps d'eau. Arrête, j'ai envie de voir la série là. Même une piscine, elle va se dire, mais ça se trouve, je vais trouver des gens morts dedans. Elle méditait là-bas en écoutant évidemment du Billy Elvis Presley. Ouais, genre Can't Help Falling in Love with You parce que c'est la chanson très. Ah, mais c'est la chanson avec sa daronne. Non, Stand By Me. C'est la chanson des morts, genre. Ça marche aussi. Ouais. Knocking on Heaven's Door. Ouais, genre toutes les chansons un peu clichés. Ah, Knocking on Heaven's Door parce que sa mère est morte. Ou alors, c'est parfait. De quoi? Non, ils connaissent pas la musique française. Personne peut nous canaliser. La vie en rose. À part la vie en rose, c'est ça. C'est exotique. Ah ouais, elle comprend pas les paroles. En mode, elle était en train de méditer, faire du yoga, que sais-je, du tai chi dans dans la forêt vers le lac où elle est morte. Et en rentrant, elle tombe sur le cadavre du quarterback. Et... En faisant une photo au pire. Selfie. Ou alors elle voulait faire la photo. Emily, Paris vibe. Elle voulait faire la photo, mais genre le cadavre n'était pas encore monté à non mais genre elle prend des photos et elle est en mode photo, mais qu'est-ce que c'est? Et après elle les zoom. Et ouais, et elle voit le cadavre et après c'est le devinez comment j'ai fini là, tu vois. Ouais. Et là c'est ce qui s'est passé. Mais c'est super long, c'est super long genre. Non, et c'est là c'est genre il lui manque la main genre où mon comment m'est tombé. Quoi? Lauriane en roue libre. C'est le tacos. En fait, c'est du point de vue du quarterback est mort et qui fait vous demandez pourquoi je me suis retrouvé là, mais il lui manque la mâchoire. Non mais il parle. Tu vas aller en enfer. Il parle 6 pieds sous terre. Désolé, j'ai de la terre dans la bouche. Ah, ça va mieux. Oh, un verre. Ça fait des prods. C'est un quarterback. Alors sinon on fait un truc avec genre briser le quatrième mur, genre c'est le quarterback, il est genre mort derrière là, et là on le voit, ouais, ça, et là on le voit, il fait en fait je suis pas vraiment mort, enfin je suis mort mais genre je vais vous raconter comment je suis mort. Mais ça fait après un peu, il se ça repose fait un peu des Spirit House of des fois. Enfin et ça commence toujours et ça finit toujours par une voix off qui est l'un des personnages. Marie-Alice. Mais en fait, ce personnage qui est mort. Ouais, c'est ça qui est mort. C'est le premier épisode, la première scène. J'ai cru que tu t'es trompé, que tu disais Margaret, mais en te trompant totalement. Non, c'est dans Desperate Housewives, c'est Marie-Alice. Elle est morte, non? Oui, elle est morte. Et elle se suicide elle parle, dans les premières minutes du film. Et à chaque fois, ouais, elle fait un peu la morale de l'histoire. Ouais. Elle est pas faire ça. Bah ça fait un peu ça, c'est genre à chaque épisode le quarterback qui fait la morale. C'est attendre quoi. Bah, c'est pareil dans Esprit. Bah, elle a pas attendu. Ce n'est pas une série, mais ils font pareil, ils terminent toujours par une voix off d'un des personnages ouais. avec une citation de littérature. Ouais. Grey's Anatomy aussi. Ah ouais. La voix off, c'est du coup un trope de série américaine, on va la garder, oui. mais ouais. peut-être pas le mort. Ce serait marrant. Non, Margaret, Margaret. Ça serait Margaret, très drôle. Margaret. Non, mais tu sais, genre avec la bouche pleine d'eau, genre. Ou alors la daronne de Margaret. Ouais, non. Parce que moi, non, trop cringe, rajouter... trop cringe. Non, on fait un truc pour enfant, là, pour enfant. Mais moi, je rajouterais. Je suis morte. Ou alors on fait une voix, mais genre. Tu sais qu'on fait comme dans mes premières fois, c'est genre une guest star, une personne hyper connue, ah ouais. genre un mec oscarisé, etc. Qui, bah, qui Arnold Schwarzenegger. Ouais, c'est ça. Qui... Non, la voix de Secret Story. Oh. Avec un petit jingle à chaque fois qu'il parle. Ici la voix, vous demandez ce qu'il fait à l'intérieur de l'eau, noyé. C'est tout. Il est mort. Oh, le moment. À la fin de chaque épisode. Vous n'auriez pas dû tromper votre père avec votre quoi. C'est tout pour le moment. Quel est votre secret? Je suis mort. Ah yes. Non, mais pas ça s'arrête là. Montez le pied de micro. Est-ce qu'on rajouterait pas un petit peu justement de loup-garou ou de créatures surnaturelles qui justement. Pas dès le premier épisode. Ou alors c'est la non, fin du premier épisode. Genre... Dans les saisons 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Quand il n'y a plus rien à dire. Pilote, oui. Je sais, quand il n'y a plus rien à dire, il se rend compte que genre il y a une forêt avec à une la porte rigueur, magique. Un loup qui crie sous le clair de lune. Je ne sais pas ce que fait le loup crier. Mais il y a un lac, il y a forcément un loup. Sous le clair de bois, qu'est-ce qu'il les grenouilles surtout. Les loups-garous modernes. Les loups-garous contemporains. Loup-garou contemporain, maintenant. La version alpha. Sous la lune, maintenant ils font juste des barbecues. Hein. Mais genre, c'est le nouveau, c'est le voisin. Le nouveau voisin. C'est un loup-garou. C'est un loup-garou. Mais ça fait très. Non, non, il est juste. Alors il faut qu'il soit sexy, le juste très poilu. Mais oui. Non, il est juste très poilu. Non, non. Non, non, c'est un non, non, on a dit. Mais bah, non, ça existe. Les mecs en Amérique, ils sont tous bien rasés, ils ont aucun poil. Mais qu'est-ce que t'en sais, t'es allé aux Amériques. Dans les séries. Oui. Et ce qui est très drôle, c'est que tu les vois en promo 6 mois plus tard et ils ressemblent pas du tout à leur personnage. Ils ont la barbe. Ils ont la barbe et tout. Bah oui, mais en même temps, un lycéen n'a pas de barbe, donc. Et du coup, on résume un petit peu quand même tout ce qu'on a. Là, jusqu'au début, quoi. Enfin, depuis le début. Oui, faire jusqu'au début, c'est-à-dire oui. rien. Pendant 1h15. Donc, on a notre petite Maggie qui y a un quadrilatère amoureux. Un quadrilatère. Bah, c'était comme un carré. Un quadriceps, mais... quoi, genre. Non, mais ça, c'est le muscle de la jambe, ça. C'est un quadrilatère. Un quadrilatère. Un carré un amoureux, quadrilatère les frères. Croisé ou juste tuc-tuc-tuc. J'ai fait L, gros, j'en sais rien. Alors, un quadrilatère. Qu'est-ce que tu veux dire non, par là non, mais je veux t'sais, dire. Avec les diagonales quand elles se croisent. Ah oui, les diagonales, c'est le mot que je cherchais. J'ai fait S. Hein. Le centre de gravité du quadrilatère. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. J'ai retenu que Delta, moi. Donc... Non, maintenant, on est à Omicron. Ouais. Le nom de la série, le nom de la série sera Delta, puisqu'ils ont beaucoup des noms de trucs grecs. Mais maintenant, Delta. C'est Delta-cron. Mais sur ma vie, c'est vrai. Mais il oui, y a un nouveau variant, c'est une Omicron fusion. Qui... Ouais. Ils ont fait fusion. Entre Omicron et Delta. Ils ont intégré Dragon Ball à la réalité. Voilà. Bah, c'est le nom de famille de l'héroïne, Delta-cron, la famille. Genre, c'est Delta-cron family. Et ils sont grecs. Non, non. Tu confonds avec la série qui parle de la reine d'Angleterre, de Delta-crown. Nouvelle Crown qui va bientôt sortir d'ailleurs. Remake mais d'un point de vue genre étranger. Alors donc notre Maggie. Oui, il faut qu'elle ait un ou une meilleure amie. Noire. Et lesbienne. Un oui. peu gothique, un peu. Non mais un personnage. Non, elle est noire. Elle peut pas être gothique aussi. Genre ça fait trop là. Si, bah, c'est si. Justement, faut qu'elle ait si. Tout. Elle a okay. tout. Elle a c'est quelqu'un qui coche tous les trucs des minorités. Elle est sourde, tu vois, du coup. Et elle a les cheveux bleus. Lesbienne. Elle a les cheveux bleus voilà, et elle a plusieurs piercings. D'habitude, il y a plein de personnages qui remplissent chacun une case. Non, ouais, mais là, dans les séries américaines, c'est quand même beaucoup, genre, un personnage qui cumule un peu tout. Bah, Sex Education, le pauvre. Le gars noir gay. Ouais. Qui fait un peu tout, quoi. Bah, son meilleur pote, Eric. Ah oui. Je l'aime trop. Eric. qui est d'ailleurs le centre de cette série, avec la mère, bien sûr. Grave, oh là, Gillian Anderson. Je sais pas, je connais pas. X-Files. Gillian Anderson. Bientôt The Crown. Et ben on la met dans déjà le dans The Crown. C'est parti. Ah oui, déjà bah, dans oui. The Crown. Ouais, enfin, dans The Crown. Thatcher. Ouais. Margaret Thatcher, bah. Maggie. Finalement, Maggie Thatcher. La boucle est bouclée. Maggie Ned. Maggie Maggie. Alors, ah, mais sinon, ça peut être vraiment une histoire où on invente vraiment la vie fictive de Margaret Thatcher. Comment elle en est arrivée là? Comment elle en est arrivée à être une aussi grosse pétasse? Donc maintenant, on est au Royaume-Uni. On vient de droite, quoi. De facho. On dénonce. Oh, ça va, elle est plus là pour nous. Plus là pour nous emmerder. Heureusement. Donc, son âme. Donc ta petite non. Maggie Thatcher, Thatcher. Mais non, c'est pas Thatcher, c'est Delta Crohn. Mais on est vraiment parti sur Delta. Mais oui, Maggie Delta Crohn. Je trouve que ça ne se revient. Mais oui, vraiment, c'est parfait. Dans toutes les langues, ça part genre. Exactement. Et donc alors. Moi, parce que comme ça, on peut avoir la réplique. Ça vient d'où ça, Delta Crohn? De Grèce. C'est grec. Et là, elle va parler grec avec un accent pas grec de ouf, tu vois. Et non, va être en mode. Pas grec, les Américains ils connaissent. Non mais. Ah, c'est l'Europe. C'est non, mais, latino. C'est que dans les séries américaines, quand en fait il y a une personne qui est d'origine d'un pays européen, enfin bref, voilà, et qu'en fait ils se mettent à parler dans la langue, c'est toujours genre ridicule as fuck, tu vois. C'est tous les clichés. Genre. Mais c'est tous les clichés et surtout. Non, mais. Non, mais. En grec, Timothée Chalamet, quand il parle français, il parle vraiment français. Mais là, tu vois, par exemple, je sais plus dans quoi c'est. Enfin, dans quelle série c'était ou dans quel film c'était, mais il y a quelqu'un qui parle français et dit tu parles français. Mais moi, française, j'ai pas compris. Du coup, elle lui parle grec très très mal. Ouais, très très mal, et va dire. Wow, c'est mais elle est très forte en cours de grec. Exotique. Ouais, parce qu'en même temps, en grec ancien. Parce que les cours de grec, c'est plutôt facile si t'es native quand même. Mais c'est du grec ancien. J'ai pris français LV2, tu es français. C'est un peu quirky, tu vois. Elle fait du grec ancien, du latin. Elle fait de la photo, l'argentique. Non, mais en fait, c'est une L juste. Ouais, ouais, mais aux États-Unis, c'est être différent. Bah, aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup. Bah, en France aussi, en même temps. Bon, non, c'est faux. Non, mais après, c'est non. Mensonge. Elle dit ça parce que je suis d'accord. J'étais en S, on était l'élite. Bah ouais, mais en non, on était élite. Élite. Ah si, seigneur. Puisqu'il y avait un meurtre à chaque fois. Mais oui, non, c'est sûr qu'il y a moins de L que d'autres. Enfin, d'ailleurs, ça n'existe plus. Nous, à l'époque, on passait de bac, c'était ça, mais. Notre à l'époque. Tard l'époque. Déjà. Nos jeunes auditeurs qui nous écoutent dans 50 ans. Alors, les filières. Je pense qu'il n'y aura plus de podcast dans 50 ans. Non, je pense qu'il n'y aura plus de France. Il n'y aura plus de France. Il n'y aura plus de monde. Il n'y aura plus de monde. Donc, il n'y aura plus le bac. Climato-sceptique ici. Non, climato-sceptique. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je dis le contraire de ce que je veux dire. Éco-anxieux. Ouf. Ça y est, je vais faire une crise d'angoisse. On a perdu Antonin, du coup, il reste Dorian et Noémie. Donc, du coup, on résume. Moi, je suis complètement un peu. Il y a Maggie. Maggie, c'est Maggie, du coup. Ma petite Maggie. Elle est un peu chelou. Mais en vrai. Elle suce est... encore son pouce. Quoi non. À défaut de. J'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai cru que t'allais. J'ai cru que t'allais dire. J'ai cru que t'allais dire la bite. Bah, j'ai dit à défaut de. Oh, désolé, papa et maman, je sais que vous allez écouter. Non. Papa et maman, les gars, désolé. Bah, je ressens comme une envie de. Je ressens comme une envie de m'isoler, finalement. Physiquement, je veux dire. Est-ce que ça se sent qu'on n'est pas payé pour faire ce podcast? C'est sûr qu'on n'est pas nourri non plus. Vous avez faim? Du coup, vous pouvez arranger. Non, mais attends, on va finir. Faut qu'on finisse là. Parce que... C'est vrai. Ouais, oh, bordel. Si on fait une pause. Ouais. Donc là, on a un peu plein de trucs, plein d'éléments. Juste, on va essayer de faire scène par scène. Voilà. Okay. Très vite fait. Okay. Première scène. C'est celle où elle découvre le cadavre. Ouais. Du coup, on commence. Petite chanson paisible, genre la Bob Dylan. Non, une chanson grecque, justement. Non, je pense pas. Non, c'est trop, genre. Ça, c'est dans la. Ça, c'est après. Est-ce que tu connais des chansons grecques? C'est un peu trop in your face, moi, je trouve. Du coup, elle est sur son fond tranquille, évidemment, avec un Walkman, sinon c'est pas drôle. Mais bien sûr, avec un Walkman. Ouais. Voilà, elle a un bonnet, elle a des habits avec une vague très, très automne. D'accord. Alors qu'on est en été. Ouais, beige non, mais... marron. Ouais, voilà, ouais. C'est ça, beige marron. À mon avis, elle doit avoir des petits cheveux rouges un peu bouclés, tu vois, genre Edgy. Et désolée, Noémie. Ouais, ça va, c'est pas bouclé. Ça. C'est vrai que c'est pas bouclé. Et oui, parce que Noémie a les cheveux rouges, du coup. Ouais, c'est vrai que c'est hyper visuel. On va fusionner. Et en gros, du coup, elle est en train de prendre des photos et en même temps, il y a une petite larme qui coule parce que sa daronne, elle est morte. Larme artificielle, elle vient de mourir. Non, pas encore. Non, okay. Pas ça encore. Fait un an, genre. C'est le jour anniversaire de la mort de sa daronne. Oh, et elle horrible. Est en train de prendre des photos à l'argentique en écoutant du Bob Dylan et avec des cheveux rouges. Bah, pour fêter ça, quoi. Voilà, chacun c'est ça. Et évidemment, comme elle n'est pas comme toutes les autres, elle fume une cigarette. Non, justement, elle est très punie. Non, alors elle a une cigarette dans la bouche, mais elle ne l'allume pas. Voilà, elle l'allumera que quand ça sera important. Genre. Non, mais aux États-Unis, personne ne fume. Merci, Bojangles. Ouais, je l'allumerai quand vraiment ça sera grave. Moi, ma rêve de base, c'était quand même nos étoiles contraires. Oui, mais... aussi. Oui, mais j'ai enlevé Ansel Elgort de ma mémoire. et elle est en train de prendre une photo, elle voit il y a un truc bizarre, sauf que nous on voit pas. T'as un plan tranquille sur la rivière qui coule, comme la rivière, la rivière. La rivière. The river, the river, the river, boat on the water. Le courant n'arrête pas, comme le Tarn en Aveyron. Et là tu vois, si tu vois, tu vois un hoodie. Un sweat quoi. Un hoodie. Et non pas un houdini. C'est quelqu'un ça. Et qui est mort, qui est mort aussi. De manière totalement bête en plus. Le nulos. Je sais plus quoi. Bah, parce qu'il se faisait frapper. Ah oui c'est vrai. En plus. Ouais. C'est à cause de ça il s'est fait un décollement de je sais pas quoi. Quel abruti. C'était le mot de la fin. Bon ouais, mais respect. Et du coup elle zoom sur son. Et du coup évidemment plan subjectif. Et zoom zoom zoom, plan subjectif sur le zoom de l'appareil photo. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Et là, et ça fait une transition. Là, en fait, ça fait la mise au point. Ça fait la mise au point. Et là, en fait, on voit le corps se manger littéralement un rocher. Et faire. C'est plus drôle. Et comment le corps qui est évidemment dans tous les sens parce que les membres. Mais pas démembré, pas encore démembré. Il faut quand même qu'il soit intact. Peut-être pas la mâchoire. Mais. Mais en tout cas, les bras restent au bon endroit. Mais en fait, elle va voir le corps, il lui manque genre un doigt ou deux doigts. Ah, il faut. Et c'est un truc d'agent secret parce que c'est un agent secret, il fallait le doigt pour l'empreinte digitale. Une petite torture bien comme il faut, oui, je suis d'accord. Ouais. Et ben, pour que ça soit plus on pourrait commencer par une voix qui dit, j'ai toujours imaginé ma vie, comment j'allais faire ma mort ou un truc comme ça, comme dans Twilight, tu vois, genre vraiment. Tu sais, tu pourrais toujours. J'ai toujours d'abord imaginé la manière dont j'allais mourir plutôt que la manière dont j'allais passer ma vie. C'est Twilight, c'est parfait. Ça. Je sais pas. J'ai pas vu. T'as bien fait. Non, t'as pas bien fait. Non, c'est nul. What? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Je les ai tous regardés, et le dernier au cinéma. Hein. C'est autant bien que mauvais. Je me souviens la scène des dernières où genre, ils sont censés canner et ils cassent le lit. Je suis en mode genre, c'est parce que vas-y, quand ils cannent, tu casses le lit, c'est normal. Moi, j'ai peur de la scène où tout le monde crève et après, enfin, oh, c'était qu'un rêve. J'étais là en mode, ah non, c'est pas possible. Moi, je voulais du sang et des morts. Moi, ça coûte très très cher en literie à chaque fois qu'on canne parce que c'est un lit par. Vraiment, c'est sûr. Ça coûte cher puisque le roi du matelas, là, il fait pas de promo. Surtout qu'elle a choisi le mauvais. Pardon. J'ai pas de qui. Ça va partir. Ça part sur Anthony Jacob. Pattinson n'est pas beau. Ah, je suis d'accord avec toi. Non. Il est très charismatique. Il est tellement fade. Vous l'avez vu. Il est hyper charismatique. Vous l'avez vu dans Tenet ou pas? Oui. Il est fade. Archi charismatique. J'ai même vu The Lighthouse. Là, j'ai hâte de voir son Batman. Il a l'air tellement. Mais attendez, j'ai peur. Non, mais ça va pas. Ils ont écrasé dans Catwoman. Lorian, arrête. Non, parce que pour le coup, c'est un très bon acteur. Éloigné les sujets. Mais au-delà d'être un très bon acteur, là, on va. Stop le menu. C'est grave ce qui se passe. Ah, mais vas-y, on fait une petite. Vas-y, fais. Non, mais ah, non, je suis désolée, Robert Pattinson est probablement l'homme le plus beau, le plus charismatique et le plus charmant que le monde ait jamais porté au 21e siècle. On a perdu Antoine. Je suis désolée. Même mon gros orteil est plus charismatique. Mais quoi? Non. Mon gros orteil est plus charismatique. Mais ça va pas. Après, t'as un très bel orteil. Oui, c'est vrai, j'ai des beaux pieds. OnlyFans. Je vous donnerai le lien. Attends, on était en train de faire ça. Ah, je peux pas laisser passer ça. Je peux pas laisser passer un truc pareil, moi. On débattra en off après. Oui, Oriane. Chacun sait ce qu'on est en train de dire. Je respecte ça. Je respecte. Mais attends, Robert Pattinson. Est-ce que c'est pas le fils de Pattinson? Non, mais c'est pas ça. Mais moi, je lui vends mes reins s'il veut. Y a pas de galère. Genre. Ah, mais mon âme, mes reins. On te le laisse. On te le laisse avec plaisir. Disons qu'il ne dormirait pas dans la baignoire. Ah non! Et moi je peux dormir dans la baignoire s'il veut par contre, mais ça me fait chier quoi! Si c'est son king! Voilà, petit king! Petit king! Bref! Petit king baignoire! Fin d'appareil! Tout ça pour dire que. Je sais plus ce qu'on dit! Que le corps il n'est faut pas des loups-garous dans la série! Le corps n'est pas démembré, ah oui, mais le corps est bien mort et se mange un rocher! Ouais. La tête se lève! Et on voit la scène parce que sinon, genre, ça je va pas veux classer des pour morceaux les de cervelle! Non, justement, on la voit non, que à la fin! Non, c'est une petite série! Le Vampire Diaries, il y a des. Non, mais on veut du sang, mais pas du corps. Il est juste mort, voilà. Pas du corps. Après, les gens s'imaginent ce qu'il est mort, mais ce n'est pas réaliste. Et en vrai, ça fait une bonne série. Voilà, et du coup, bam, titre. Et le titre, c'est. Moi, je veux que ce soit avec le nom du high school, genre le nom de la ville. Jules Verne. High. Ah ouais, grave. Ouais, tu vois. Je suis d'accord. Nous, Jean le retrouve high. Non. L'école Jean Massé High. Attendez. Richelieu. Non, mais un truc américain, mais. Oui, Picardia. Ouais, justement, genre un titre bien américain. Chaque fois, j'ai mon nom, c'est à cause de. Mac Burger High School. C'est pas drôle. C'est bien. Eh, c'est d'américain ou quoi? Ils sont gros ou quoi? J'ai un stand-up. Mystery High. C'est très. Mystery? Mystery High. Mystery, ça fait. Mystery. Ça fait très Scooby-Doo et. Comment ça s'appelle là, les poupées gothiques? Scooby-Die. Scooby-Die? Ah non, mais juste Die. D. Et ensuite le High de High School. Parce qu'il est mort. Die. J'adore. C'est parfait. C'est le mec qui s'appelait genre. Don. J'ai pas suivi. Mais tu rates toujours les blagues. Mais non, mais chercher de l'inspiration dans les verbes. Et ben on a trouvé pendant que tu cherchais. Die. C'est die. Bah vous voyez, j'ai réussi c'est ma mission. C'est die, genre D, high. Die. Die. Comme mais en français, c'est traduit évidemment genre par bonjour au lycée ou comme ça. Mais vraiment éclaté aussi. Le lycée de la mort. Attends, j'essaie de trouver un truc en français. Une traduction bien pourrie qui est hyper éloignée du titre. Comme des synonymes de mort, genre décédé. Décédé. Ou alors le nouveau décédé. Ah ouais, parfait. Décédé. Nickel. Il a su tomber. Histoire des décédés. Il a su tomber. Il a su tomber à cette blessure. Assassiné. Non, j'allais faire une repaya et je me suis planté, j'ai abandonné. La bleue. Du coup, des gouttes. Alors, du coup, là, on a le titre. Mais surtout que c'est pas Aya chocolat. Hein. Mais c'est vrai, en plus, je suis débile. C'est de quoi c'est l'artiste. C'est l'artiste. Ouais, l'artiste. Mais en fait, j'aime pas l'artiste, donc. Je sais pas qui c'est. L'artiste virement. C'est l'artiste. Un artiste, il y en a plein. Mais l'artiste. Non, l'artiste, c'est son nom. Je sais, c'est une vanne. Aburrido. Mais du coup. Commence pas à ramener tes langues latines avec moi. Ça fait très. Ouais, c'est 117. Ah, ouais. Je suis un peu. Chant du jardin. Je l'aime pas. Moi non plus. Mais j'aime bien Antonin. Donc ça commence. Ok, ça va. J'aime bien c'est quoi le rapport, mais. T'as de la chance. Tout ça, avant que tu t'énerves en portugais, on disait. Bah vas-y, fais tomber tout, vas-y, je t'en prie. Le titre. Ouais, le titre. Die. Die. Non, mais en français, c'est. Comme ça, die. Décédé. Mais D. Et high comme. Avec un petit tiret, comme ça, ça peut faire le nom d'un blog aussi. D'I. Où ils écrivent anonymement tous les gens qui sont morts et toutes les intrigues. C'est un jeu de mots, c'est pas. Voilà. J'ai pas dit que c'était du génie, j'ai juste dit que c'était. Les Américains mettent jamais D apostrophe. Bah, oui, mais nous, on est. Les Américains, c'est Violetta et Austin Ali et Riverdale et Bonne Chance Charlie. Enfin, je suis désolé, leur nom, c'est pas non plus. C'est ce qu'on peut imiter en même temps. Mais bah, die, justement, c'est un peu original mais basique, tu vois. D'accord. Entre les deux. Ou alors c'est Monster High. Ça existe déjà. C'est... Mais oui, c'est poupées, attends, on va se faire attaquer, les gars. Oui, oh, ça va. Donc die. Don't die. Don't dead, don't die. C'est Jim Jarmusch. Tu vois, je dis, on dit c'est Jarmusch. Ok, bah désolé, je suis en français. Enfin, même en français, c'est Jarmusch. Hein. C'est un S-H. Parce que pour moi, c'était allemand, donc Jarmusch. Stop au harcèlement, Alex. Axel. Non, pas Axel. Alex. Alex. Donc il y a le titre, il y a le panneau titre et est-ce qu'il y a genre un sous-titre par saison? Ça s'appelle le titre. Genre un sous-titre par saison. Ouais. En genre avec que des répliques où tu pourrais dire titre. L'enquête. Titre de ça. Title of your sex tape. The Quest. Voilà. Et en fait, non attends, ce qui pourrait être trop. Ce serait un titre qui n'est pas du tout en lien avec la vibe hyper dramatique de il y a un mort. Non, vraiment. C'est... Maman, j'ai raté l'avion. les nouvelles aventures de Maggie. Non, voilà, c'est ça. Non, mais Maggie un truc hyper joyeux. Juste un truc hyper joyeux. Non, Maggie au lycée, ça serait le titre par épisode. Genre Maggie au lycée, Maggie découvre le cadavre, Maggie à la ferme. Non, le premier épisode s'appelle Pilote. Pilote. Maggie à la plage. Et ensuite, c'est épisode 2, épisode 3. Et la saison 2, ça sera genre épisode 9, épisode 10, épisode 11, oui. Jusqu'à la fin de la série. Parce que Maggie se fait harceler par son ami d'enfant. Ça, en fait, les titres, c'est des pavés à chaque fois. Après avoir découvert un cadavre, Maggie rencontre son nouveau voisin et elle le trouve plutôt pas mal. L'épisode dure 20 minutes et tout est résumé. Le nom de l'épisode, c'est le script. Intérieur, jour. Non, c'est le titre de Borat. Extérieur, jour. Vraiment, on est noir comme ça. Oh là là. Birdman. J'arrivais jamais à le dire en fait, le titre de Borat. Bah, c'est simple, moi on peut pas le retenir. Borat 2. Borat 2. The Subsequent Movie Film. Subsequent Movie Film, ouais. C'est pas compliqué. Non, mais... après, après, tu as deux petits points et t'as toute une phrase. Ah, mais je sais pas. Donc ça fait le ouf, ça fait le ouf, mais ça devrait fermer sa gueule. Voilà. Donc... Moi, je l'ai pas vu. Moi, je me la pète pas. Moi, je me culture, monsieur. La deuxième scène après le panneau au titre. Bah, du coup, après, c'est un truc où genre elle présente en mode sa vie, en mode là c'est moi, là c'est mon ami, je suis au lycée. Et il faut écrire genre c'est 2012 en gros, comme ça. Ah ouais. Comment c'est dans le passé. Non, mais bah non, on n'a pas dit, justement, on a dit que c'était plutôt récent. Ouais, genre 3 mois. 2020. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est le nom de la ville en grosses lettres capitales blanches. Ça s'appelle comment la Comics en MS, tu vois. et le nom de la ville, je sais pas. Je jura. J'ai lu ça. Je jura. Je jura. Elle s'appelle Papier Peint. Non, c'est le seul truc que j'étais en train de regarder. Elle s'appelle Cactus. C'est très technique. Non, mais ce qu'on pourrait faire, parce qu'aux États-Unis, il y a pas mal de villes qui prennent des noms de villes européennes et ils mettent New. Du coup, on pourrait faire par exemple genre. New Paris. New Limoges. New Montreux, voilà. Moi, je suis pour New Limoges. New Limoges. New Limoges. Mais, c'est, ouais, mais en anglais, c'est chiant en français. New Limoges. New Limoges. New Limoges. Hey! I live in New Limoges. Et moi, je suis pour New Limoges. Que c'est drôle. Pas de raison particulière, c'est drôle. Si, voilà. Et pour la VS, ce sera rigolo. Oui. Tu vois. Bienvenue à Nouveau Limoges. Non, du coup, c'est. Nouveau, c'est la version québécoise. Bienvenue à Nouveau Limoges. Non, en français, c'est l'inverse. Genre, c'est Nouveau Chicago. Ah putain. Bienvenue à Nouveau Chicago. Ça pourrait être très drôle, ça, l'idée que podcast de traduire. Vous vous demandez probablement qu'est-ce que je fous là. C'est la version québécoise. Oui, Nouveau Montréal. Eh ben, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé dans l'ordre. Alors, premier épisode. Ouf, l'accent. Premier épisode. Je l'ai perdu au fil de la phrase. C'est t'as eu je l'ai et tu l'avais. Je l'avais plus ensuite. Je l'ai lâché. Il fallait pas que je le laisse en aller en fait. Mais tout à fait. Bref, elle a décrit genre son lycée et tout et sa vie d'avant. Ça, c'est les geekos. C'est ça. Oui, elle présente. Ça, c'est les nerds. Et le plan, c'est genre là, eux qui marchent en non, gros. C'est... Là, c'est la communauté. Là, c'est la communauté noire. Elle a dit ça, c'est les asiatiques, ça, c'est les latinos. Ça, c'est en prison. C'est pas au lycée. Non, c'est dans Mean Girls. Orange is the New Black. Oui, ça, malgré moi. Et ensuite tu dis ça, c'est en gros ça c'est attends. La première scène c'est pas une scène de cul pour après cacher le truc après la mort. Une scène de quoi? Bah genre il y a la mort, le générique du sexe, ensuite il y a l'histoire et ensuite il y a encore du sexe. Pourquoi du sexe? Bah c'est genre tous les séries Netflix c'est ça genre. Genre si ça commence genre Orange is the Black, elle est dans la prison, le premier point qu'on voit c'est genre une série qu'on veut. Baisse genre. Bah, ouais, mais ça baisse pas, série, ça baisse pas direct, je pense dans une. Non, bah si on a mais si genre ils s'embrassent devant les casiers, ils font eux c'est en couple, ils sont très populaires. Ah oui, ils sont à moitié en train de ken devant un casier mais ils s'embrassent quoi. Ah ouais, Betty et ensuite voilà. Toujours et un petit commentaire. Et ouais, et avec une caméra subjective qui avance un petit peu, tu sais genre en accéléré genre tout. Et ensuite elle s'arrête un petit peu. C'est sa blague à tous les épisodes. Et ensuite au lycée de New Limoges. On aime bien les cases. New Limoges, hi! On aime bien les cases. Non, mais justement, effet de mise en scène, ils ont tous genre une étiquette genre hi, my name is. Et il y a marqué genre geek, nerd. Ah, ça, c'est un épisode de geek. Sport. Ouais. Ou des hashtags. Ah ouais. Ouais. Ils ont les t-shirts ou en gros avec leur hashtags, plus gros. Ouais, leur plus gros. Faut que ce soit contemporain, ils ont des hashtags. Ils écrivent à côté de leur tête, tu vois. Avec des bulles de messages. On va partir en demi-tête dans le lycée. Genre. Et Brittany, je crois qu'elle met Libanaise au lieu de lesbienne. Non, elle a fait le t-shirt pour Santana, elle a mis Lesbanise. Non, Libanise au lieu de lesbienne. Marrant. Et c'est très drôle. Et. Voilà. Pardon. Du coup, présentation de tout le lycée. Scène d'après, on voit que. Le nombre de personnages. Mais là, il n'y a pas assez de personnages. Oui, il n'y a pas assez de personnages. Quatre. Enfin, trois, parce que. Ouais, mais sauf que le voisin n'est pas encore arrivé. Genre, si, il arrive pendant les filles, tu vois. Il y a le voisin, Betty, le mec mort, la meilleure amie, la petite sœur, le daron qui est tout seul. Il faudrait lui trouver un plot amoureux, elle n'accepte pas du tout. Attendez. Le voisin, il arrive, du coup, le nouveau de la classe. Mmh. Elle va avoir un petit crush sur lui, elle va découvrir en fin d'épisode que, enfin au milieu d'épisode, c'est que c'est son voisin. Et évidemment, il faut toujours un petit peu enemies to lover, genre où en fait. Évidemment, il n'y a pas de problème. Pas se blairer, tu vois. Ouais. Il la taquine et elle est en mode ah, tu m'agaces, alors qu'elle le connaît pas. C'est de l'amour refoulé, ça, Lauriane. C'est genre, elle se lave les dents et elle le voit en tournant la tête. Digne, genre. Et il vient de sortir. Et là, elle est comme ça en train de sourire. Ah, Neuilly sa mère. Et lui, il vient de sortir de sa douche, la serviette autour de. Évidemment. Les muscles saillants, il y a le corps d'un mec de 30 ans. Évidemment, ça brille un peu parce qu'on sait pas pourquoi leur corps brille, mais il brille toujours. Parce qu'il sort de la douche. Mais tu douches avec de l'huile. Tu douches pas avec de l'huile, toi. Putain, je devrais changer mes habitudes. Genre, c'est normal de toucher de l'huile comme ça, genre tous les jours. C'est vraiment toute leur douche, ça brille. Et c'est la skincare routine, quoi. Skincare. Non, mais bref, et donc, en gros, voilà. Le cliffhanger, c'est ça. C'est qu'il a des gros muscles. Non, elle se rend compte que c'est son voisin et elle est en mode oh my god. Non, ça vient comme ça l'épisode. Et ensuite, et maintenant dans les séries Netflix, ils aiment bien montrer des gens qui se masturbent. Du coup, la meuf, on la voit se masturber. Non, je vous jure. Et elle se fait interrompre par sa mère. Devant un tuto de beauté parce que. Elle se fait interrompre par sa mère et on voit il y a une relation conflictuelle et tout. Ouais, mais elle est morte, sa mère. Ouais, sa mère. Le fantôme de sa mère. La par sa petite sœur. Si elle se fait interrompre par sa mère, c'est flippant. Et la petite sœur, évidemment, elle est toujours plus alerte. Elle fait ça va, je sais que tu te branles tout le temps. Moi aussi. Un peu intello. Ouais, c'est ça. Je sais tout. Ouais, c'est et qui va plonger dans la drogue. Un peu comme la petite sœur dans Modern Family, quoi. Un peu la j'ai même. J'ai pas regardé Modern Family. Oui, magnifique. Je sais pas regardé. Ça change pas. J'ai pas regardé ensemble. Tu rates. Non. Et bien, meuf. Bah après, voilà, après les développements futurs. Mais du coup, il se passe quoi dans l'épisode? C'est vraiment l'épisode, c'était ça. Après, attendez, on a fait une deuxième partie d'enregistrement. Ça va mener à de nouveaux épisodes. Genre le nouveau mec. Mais c'est, non, mais c'est quoi le cliffhanger? Genre, il faut un cliffhanger. C'est pas là. Je pense que genre le voisin, c'est pas si cliffhanger. Non, je pense que le cliffhanger, justement, c'est en fait le premier épisode, ça mène au moment où elle découvre le corps. Voilà, et en fait, elle découvre un corps, mais on ne sait pas l'identité. On ne sait pas l'identité pour le début. Et en fait, on le saura à la fin. Oui, on le sait à la fin, ouais. En fait, voilà. Et du coup, son voisin. En fait, on présente. Mais non, c'est le. Non, c'est le quarterback. Mais en fait, du coup, on présente une maigre constellation de personnages. Donc, en gros, on va pas en avoir beaucoup. C'est le premier épisode. Donc, la petite sœur, le quarterback, le nouveau Betty, Margaret et le daron qui ose pas trop. Sa meilleure pote. Et du coup, en fait, genre comme on voit pas exactement qui c'est, parce que le corps est un peu détérioré, tu te dis, enfin, genre le premier épisode, c'est comment on est arrivé au moment où elle a découvert le corps, et ensuite, du coup, genre les 10 dernières minutes, c'est consacré à le suspense de qui c'est. Ouais, genre il y a une petite enquête policière, en gros. C'est et ça. À la fin, et du coup, le premier épisode, il peut commencer après, genre le titre du nom de la série, c'est une semaine plus tôt, tu vois. Tout con. Parfait. Voilà. Ok. Et bien, on se retrouvera dans les aventures de New Limoges en février 2040. On va prendre les délais Netflixiens. Mais Bah, tous les ans. Bah, on a envie de la regarder cette série, moi. Non, envie de la regarder cette série. Franchement, il faudrait rajouter un peu une prof de français qui va dire à Maggie de se booster plus, elle a des capacités. Et c'est la daronne de la meilleure pote. Et c'est la daronne de la meilleure pote. Qui va sortir avec son père. Et elle sait pas qu'elles se sont frittées les deux, et du coup, elles vont être en genre tu parles plus à ma fille depuis 10 ans, comment ça se fait? La prof va sortir avec son père. Je viens de le remarquer. Et là, mais oui. Mais oui, bien sûr, grave. Non mais c'est copine comme cochonne. Grosse cochonne. Vous êtes juste des cochons. Allez hop là. Bah c'est Netflix ou quoi? Et non, au pire, ça peut être le daron de la meilleure pote à qui elle parle plus et en fait le père est gay. Plot twist. On a notre quota. Allez, c'est bon. C'est bon. Bah j'ai tenté sur la religion aussi. Pardon. Putain, c'est dangereux ce que t'as fait. Il était religieux, le quarterback. Ouais. C'est le seul qui meurt, c'est quand même le message. Et du coup, en fait, Betty a fait croire à tout le monde qu'elle avait déjà fait l'amour, alors qu'en fait, jamais. Et, parce qu'en fait, il était trop religieux. Voilà. Et elle était frustrée. Et elle avait envie de taper. Et elle a tué le quarterback. Ah ouais, et en fait, elle est tombée enceinte, mais elle a dit que c'était à cause d'une piscine chauffée. Ça, c'est glissant. Oula, qu'est-ce qui s'est passé dans la piscine? Dans un sauna. Non, c'est un jacuzzi avec les bulles. Dans le jacuzzi. Un jacuzzi. Parce que là, avec la chaleur, généralement, c'est. Ça pourrait faire une suite à Titan, genre. Avec les petites bulles. Non, c'est l'inverse. Oui, bah dans la série, c'est ça. Non, mais justement, ils font croire alors. Parce que c'est juste. Enfin, bah, dans la série, il y a bien quelqu'un qui a fait croire que sa mère avait le cancer de la prostate. Donc à partir de là. Putain. Habile. Et bah écoutez, c'était fort marrant. Voilà, on va pas se mentir. Il y a eu beaucoup d'apartés sur certaines séries. On a très peu parlé du pilote finalement. Que du coup, vous n'entendrez pas. Mais c'était marrant. Pour nous, en tout cas, c'était marrant. Pour vous, je sais pas, c'est peut-être une galère à écouter. Mais non, c'est bien amusé. Ça parlait dans tous les sens. Bah écoutez, c'était très sympathique de travailler avec vous. Travailler, enfin. Voilà quoi. Cette partie de franche rigolade était fort sympathique. Exactement. Raclette. Allez, puis on n'arrête pas d'enregistrer. Vous restez avec nous, bien sûr. Ça va. Bruit de mastication dans 3, 2, 1. T'as un poêlon. Ça s'appelle un poêlon. Oui. Une petite poêle. Bah, moi je dis le truc qu'on met dans la vache. Mais oui, moi aussi j'ai pas de nom. La machine à raclette. Ça, c'est la différence entre les gens culturés et les gens pas culturés. Mais l'appareil à raclette. Hein. La racletteuse. La raclette partie. Moi, j'y mets le fromage dans le truc. Et dans le truc. Désolé à tous les gens qui ne mangent pas de fromage. Vous ratez. Pense à vous. Et du coup. bah voilà. Noémie ne mange pas de fromage. Et juste part. Après, du coup, vous avez une petite vidéo de comment on refait le fromage. Comment nettoyer son voilà, son pet spoilant. Voilà, cette outro à l'image de l'épisode a été très chaotique, mais très marrant. J'espère que ça vous a plu, que vous n'allez pas arrêter d'écouter les épisodes à cause de ça. Et que les bruits de chaise ne vous ont pas trop gêné. Après, si vous êtes là, c'est que vous avez vraiment supporté 1h30, donc je pense que pendant 10 minutes, vous pouvez encore nous écouter. Ouais, de toute façon, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode avec d'autres gens. On ne sait pas sur quel thème ce sera pour l'instant. Et puis voilà. À dans 2 semaines, et puis Lauriane, bye. Voilà. Bye. Allez, bye, bye. Allez, je baille en baillant. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Adios. Et mettez 5 étoiles sur iTunes, s'il vous plaît. SVP. Au revoir.